this. Assemblage requis. On déguste du thé vert avec Xavier dans Tais-toi et cuisine. Et on parle sport avec Nicolas Ducharme. C'est Assemblage requis et ça commence. C'est un drôle de mélange, thé sport. Hein, thé sport, c'est bon. Bonjour et bienvenue à une autre semaine d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Tifo à Trois-Rivières en ce lundi 3 octobre 2011. Octobre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Bonjour, François-Olivier. Bonjour, Mathieu Plante. Passez une belle fin de semaine. Correct. Ouais. Correct, ça passe vite, en fait, et j'ai eu très froid toute la fin de semaine. T'as eu froid? Comment ça? Oui, hier, en fait, on tenait un kiosque, c'est fou, pour le CX. C'est vrai. Cross Country de Trois-Rivières, donc il faisait très, très froid. T'étais là en personne, toi? Oui, j'étais là. Ouais, Colin. Ouais. Donc, voilà. Et puis, samedi, j'ai été faire un tour en vol macadam. Ah oui? Et puis, c'était plaisant. Est-ce que tu vas nous en parler plus en détail? Oui, je pourrais. J'ai bien hâte. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on va voir le petit survol du journal Zone Campus qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui. On retrouve, entre autres, en couverture, notre journaliste Joanie Dufresne. Oui. Gars ça. Oui. Je peux la faire bouger. La okay. Avec sa nouvelle émission. Oui, Fou du sport, l'émission des Patriotes sur YouTube. C'est 2.0, c'est en masse. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, la chronique T de Xavier Antoor. Exact. Et puis Nicolas Ducharme, d'ailleurs, va nous parler de sport. On va peut-être aborder les Canadiens aussi qui commencent leur saison incessamment. Peut-être bien. Et Kiwan en cavale en direct de l'Alberta, il va nous présenter les actualités musicales canadiennes. On va entre autres entendre tout à l'heure la formation de Oh Darling et Boreal Sons. Oh! Moi, tu vois, je connais pas ça. C'est nouveau. Non, moi non plus. L'actualité. Bien sûr. Canadienne. La chronique, c'est un fait. Et puis, on verra quoi d'autre dans l'émission d'aujourd'hui d'Assemblage Rocky. On débute avec la musique de Le Couleur. Voici Ciné Pantalon. Sur C'est Fou, 89.fm. Bonne émission et bonne semaine. Hein? Bonne semaine. C'est ça. Mes pantalons. La pièce ciné-pantalon de Le Couleur à Assemblage Requis au 89 FM. Il est 7h07 minutes. 7 minutes. 7 et 7. 707. Yes, sir. Et c'est le moment de parler de Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. La machine fonctionne très bien. Encore une fois, surtout bien rodé. Donc, Zone Campus, cette semaine, c'est l'édition du 3 au 16 octobre 2011. Et en couverture, on retrouve l'émission Fou du sport qui est lancée. C'est la nouvelle émission des Patriotes de l'UQTR. Et l'animatrice est Joanie Dufresne, journaliste même aux Zones Campus. Donc, synergie et convergence aussi. On la retrouve partout dans les sports. C'est comme ça. Exact. Donc, je vais faire les actualités pour commencer. On parle d'une nouvelle tête pour le syndicat des professeurs et des professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est Pierre Baillargeon. Il y a la fondation du CRACUM. Moi, je les appelle le CRACUM, C-R-A-E-C-Q-M. C'est la Coalition régionale des associations étudiantes de la Mauricie qui s'élargit pour inclure le cégep de Victoriaville. Oui, c'est ça. C'est l'ancien CRAEM qui devient le CRACUM. Oh. Ouais. Aussi, dans les actualités, le gala des Pythagores 2011, on souligne l'excellence et le dépassement des diplômés de l'UQTR, entre autres Pierre Petitgrou. Là. Oh. Pierre Petitgrou, il adore. Le Centre d'aide en français pour bien maîtriser ta langue. Donc, si vous avez des problèmes de faute d'orthographe, de syntaxe et de participe passé que vous voulez vous prendre en main, le Centre d'aide en français, c'est uqtr.ca/caf. Il y a un article là-dessus dans le journal Zone Campus. On vient sur une collecte de sang qui, en fait, on revient pas, on en parle au futur. Ça va être le 5 octobre prochain, donc ça, c'est demain, après-demain, mercredi, que ça va avoir lieu ici même dans le hall du pavillon Albert-Tessier, la collecte de sang. Changement de formule pour la première de Tribune Libre qui avait lieu le 21 septembre dernier et ça va être à tous les c'est à toutes les semaines Tribune Libre, François, est-ce que tu sais? Je pense que c'est pas à toutes les semaines donc Tribune Libre, c'est à la Chasse Galerie. De toute façon, vous allez voir des affiches un petit peu partout sur le campus où ça aura lieu et ça va vous annoncer les invités de ces tables rondes de Tribune Libre. Dans son semi-éditorial / texte d'opinion, Simon Fitzbé a une chronique qui s'appelle En pleine face et là il revient sur les stationnements. Disons qu'il est tanné d'en entendre parler. Il dit l'indignation mal placée pour en finir avec les stationnements. Gros scandale que ça fait tout ça. Hein? On vous demande, connaissez-vous la plateforme des différents partis en éducation? Hein? Si une élection avait lieu demain, ne seriez-vous pour qui voter en fonction de ça? Le service d'aide à l'emploi pour dénicher l'emploi idéal. Et puis voilà, une invitation aux étudiants des cycles supérieurs pour un 5 à 7 à la chasse. Merveilleux. Dans la section société, M. Michael Magny nous parle en fait là, de séduction, de sexualité. Donc voilà, ça peut être intéressant. Oui, il faut se faire une petite musique de fond, genre... Pendant que tu lis ça. Ouais, peut-être. On sait pas. Faites ce que vous voulez, là. Ouais. Rendez-le. Ça vous appartient. Hein. C'est votre Zone Campus. Vous le ramenez pas, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Pas après ça, en tout cas. Non. Marie-André Gauthier nous parle de maternité. OK. Et puis Jean-François Veilleux nous parle des 10 dates importantes à savoir dans l'histoire de Trois-Rivières. Et c'est la première partie. En fait. Donc, ça va continuer dans le prochain numéro. Exactement. Ça, si je comprends bien, ben, merveilleux. Dans la section Art et spectacle maintenant, on revient sur le spectacle de la rentrée qui avait eu lieu le 15 septembre dernier avec Radio. Il y a une exposition de Roger Gaudreau à la galerie R3. On revient sur le début de session à la Chasse-Galerie où il y avait entre autres le chansonnier Éric Masson. Je l'appelle Ricky Mason. Il est partout, hein, lui. Partout. En fait, à Mauricie. Oui, c'est ça, exactement. Un spectacle au Mardi Live du Gambrinus où il y avait un hommage à Johnny Cash. Et un petit résumé du spectacle de Stéphane Rousseau, les confessions de Stéphane Rousseau. On revient sur le FIMU 16, le Festival international de musique universelle. Le lancement de l'album du Amélie Gagnon Quartet. On vous annonce que Grand Corps Malade sera en visite à Trois-Rivières le 19 octobre prochain. Ça, c'est du slam. Et d'ailleurs, parlant de slam, en page suivante, là, quel drôle d'annon. Hein? C'est comme si on les avait placés un après l'autre pour avoir un lien. Sébastien Dulude, avec sa chronique, va voir ailleurs. J'y suis. Parle un petit peu de slam. Et en fait, raconte un petit peu l'historique. Et puis, parle pour et contre certaines affaires du slam. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir entendre sa chronique demain, ici à Assemblage Requis, parce qu'on diffuse la version parlée de cette chronique-là. Nous. Fantastique. Il y a une exposition au centre Raymond Lagnier, qui est un centre d'exposition, ça s'appelle Hors Route, on parle de ça. Et le spectacle de Yann Perrault, où on le traite de bête de scène. Hey, bête de scène! Sauf que, hein, c'est pas un beau commentaire. Ben oui, c'est bien, c'est positif, voyons. Et puis, Audrey Tremblay, en fait, nous parle, en fait, comme le cover du journal Zone Cover? Oui. Fou du sport, l'émission, en fait, qui est en ligne. Qui est disponible sur YouTube. Ça, c'est l'émission avec Joe Nye Dufresne. Joanie. Que j'appelle Joanie. Moi, je l'appelle Joanie. Ben oui, certainement. En fait, il y a un Y dans son. J'ai pas eu la chance de l'écouter personnellement, toi. Oui, j'ai écouté le premier épisode au complet. Et le deuxième, ben oui, le premier était super bon, évidemment. Joanie est professionnelle au bout. Deuxième épisode, surprise de voir ça. J'étais surpris, je suis un gars, vous avez J'étais surpris de voir que c'était notre ami Marc-Antoine Lavoie qui l'animait. Tout aussi bon, mais c'est que Joanie était. Pas super en forme, mettons. Ah, OK. Il était un petit peu malade, tout le monde en ville. Donc, c'est Marc-Antoine qui l'animait. Mais vraiment, très excellente émission, excellente idée, très bien montée, des reportages bien ficelés, des entrevues avec des joueurs de l'actualité sportive vitérienne. Non, c'est une excellente idée, vraiment, belle initiative, ça. Merveilleux. Je vais essayer de l'écouter cette semaine. C'est pas très long. En plus, c'est genre 10 minutes par épisode. 10 minutes? Ça se fait bien, ça s'écoute 10 minutes, quand même. Quand même. Mm-hmm. Et puis, en fait, on parle des Patriotes qui ont participé à la première course de cross-country de la saison. Évidemment, ça, c'est de la course à pied. Et puis, on fait un portrait sportif de la joueuse de soccer Annick Maltais, qui, elle, en fait, est dans la formation de soccer. Et puis, on parle beaucoup de travail à faire aussi au niveau de la formation de volleyball des Patriotes qui participaient à un premier tournoi hors saison. Évidemment, on parle de soccer féminin qui ajoute 2 nuls à leur fiche. Et puis, on parle aussi de soccer masculin qui accumule un autre partie nulle. Donc, c'est nul. C'est pas mal de nul. C'est un peu nul, hein? Non. Ça va s'améliorer, ben non. Et on parle du camp d'entraînement qui va bon train pour les Patriotes en hockey. Je pense que les gens ont quand même hâte que le hockey recommence. Mm-hmm. Et puis, formation de golf qui est à son troisième tournoi de la saison. Et qui va bien quand même. Voilà, ça c'est les sports. Petite chose que j'ai vue en sport, parlons-en très rapidement. Administrateur recherché pour C'est fou sur le campus, hein, sur le conseil d'administration. Oui, exact. Donc deux administrateurs membres de la communauté qui pourraient siéger sur le conseil d'administration du groupe des médias étudiants de l'UQTR, c'est ce qu'on appelle le GME. Le GMUQTR. Les administrateurs qui contribuent à la réalisation du mandat et de la vision de la corporation, qui pratiquent conseils et directives au directeur général et à tous les comités sur les accomplissements et résultats attendus. Et ils surveillent les budgets. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez une lettre de motivation par courriel à CACFAO. CA, c'est fou. Un commercial UQTR. Ouais. C'est ça. Je prononce trop les courriels, tu trouves? Ouais. CACFAO à UQTR.ca. Non. Non? C'est pas comme ça. Donc, CA, c'est fou. CA, c'est fou comme conseil d'administration. CFOU comme la radio. C'est quoi ils veulent dire quoi, les initiales de C'est fou? Rien, hein? Non, je pense que non. Non. Avant le 25 octobre 2011, CA, c'est fou à UQTR.ca. Lettre de motivation, super simple. Envoyez ça et c'est dans la poche. Voilà. Le journal sur le campus est en kiosque du 3 au 11 octobre 2011, volume 7, numéro 3. Vous pouvez aussi retrouver la plupart de ces articles-là, les partager sur les médias sociaux et commenter comme des débiles, parce que c'est ce que les gens font en ce moment, ils partagent... Pas comme des débiles. Non, mais c'est positif, ça. Ouais. T'es fourrette, tu sais. En tout cas. Donc, sur le blog zonecampus.ca, tu cliques dessus sur l'article et là, tu peux réagir, envoyer ton commentaire. Et les gens, comme on l'a vu, ça se fait déjà. Les gens répondent aux commentaires des autres sur le blog. Donc, ça provoque là, des conversations des plus enrichissantes sur zonecampus.ca. Allez-y, maintenant. Maintenant. Voilà. Tout de suite. C'est tout pour la chronique Zone Campus. On en reparlera dans 2 semaines. Hein? Comme à toutes les 2 semaines, finalement. Exact. Parce que ça sort aux 2 semaines. Exact. C'est un, comment t'appelles ça? Bimensuel. Bimensuel. Bimensuel, je voudrais pas dire que ça sortirait nécessairement 2 fois par mois? Ouais, mais... Ça pourrait sortir 3 fois maintenant. Peut-être. Ça s'est déjà vu. C'est plus un semi-hebdomadaire, finalement. Semi-hebdomadaire? Non. Je sais pas. Aux 2 semaines? Ah, les gars. Bon. Vous êtes toujours Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on va voir Kiwan, c'est là, c'est dans les prochaines minutes. Je suis le temps d'écouter une petite pièce très rapide de Mumford & Sons, de Cave, et puis après ça, Kiwan en cavale. Restez là. Sur C'est fou 89.1 FM, on va le faire attendre un petit peu. Je pense qu'il est comme dépassé le corps. Hein. Un petit peu. Ouais, il va se réveiller. Il est quoi? Il est juste 5h et quart pour lui? Ouais, 2h d'avance. Ouais. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears. And know my call despite my faults and despite my growing fears. But come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now and you know how to live my life as it's meant to be. Mumford & Sons avec la pièce de Cave. Wow, François. Ouais, ça fait du bien. Bon, on l'a jamais reçu, ce CD-là. Non. Sérieux, c'est poche. C'est vraiment dommage. Une chance que tu l'as acheté, François. Oui. Et voilà. Oui, oui, oui. Mais il faut que je reparte avec. Fait qu'il va falloir peut-être. En tout cas, on s'en reparle tantôt. Ouais, c'est ça, on s'en reparle tantôt. On va faire des choses croches un petit peu avec ça. Donc, Assemblage Rocky, 89.1 FM, 7h19 minutes. Hein? Mm-hmm. J'aime pas ça dire l'heure. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je dis l'heure. Ouais, t'as la tête. Je dis jamais l'heure. Ça n'a pas rapport. Mais quand même, c'est le moment d'accueillir. Qui donc? Kiwan! Kiwan! Qui donc? Kiwan? Quoi? Wan? Ou Wan? Kiki? Ça va, Kiwan? Oui, ça va bien, vous? Oui! Oui, que des questions à te poser. Même si là, mais tu sais, on te rencontre à chaque semaine maintenant. C'est pas comme dans le temps où tu étais là une fois par trois mois. On pouvait te demander qu'est-ce que tu faisais de bon. Ça sent un peu de reproche dans ta vision. Mais... absolument pas, absolument pas. Mais les gens sont curieux. Quoi de neuf? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Toujours à Medicine Hat, là? Tout va bien, ça? Oui, toujours à Medicine Hat. Et puis, je vous écoutais parler tantôt au début de l'émission. Je t'entendais parler, François. Tu disais que t'avais eu froid en fin de semaine. Ouais, mais ça commence ici, là. Ouais, ben je t'avoue que je vous envie vraiment là de votre automne. Vous avez un vrai automne, vous, avec du froid. Moi, j'adore le froid. Puis ici, juste pour dire, la météo aujourd'hui annonce 30 degrés. Hey. Puis tu te plains? Oui, je me plains. Non, ça marche pas, là. Ouais, je sais que tout le monde a envie cette température-là, mais... Non, je suis vraiment plus capable, sérieux. Il a fait ça tout l'été. La semaine passée, ça a monté jusqu'à 34. Il fait soleil là, tout le temps, il n'y a même pas un seul nuage qui passe, puis il n'y a pas d'arbre nulle part en plus. Ah. Donc c'est vraiment insupportable, je suis plus capable. Ah ouais? Mais je suis sûr que là, tous ceux qui m'entendent me disent c'était donc un cave de pas aimer cette température-là, mais bon, moi j'aime le froid, j'aime l'automne, donc là, je suis triste un peu ce temps-ci. On va leur donner ton adresse courriel pour qu'ils puissent t'envoyer des bêtises. C'est donc bien épais! Ouais, c'est ça. Donc, actualité musicale canadienne, Kiwan, c'est ta chronique, c'est ce que tu fais, c'est ton créneau que tu t'es choisi. Oui, c'est ça, mais c'est pas toujours la grande actualité là. Comme là aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité Medicine Hatienne, ou je sais pas comment on dit en français, ouais. L'adjectif pour Medicine Hat. En anglais, c'est quoi? C'est Hatters, les habitants de Medicine Hat, c'est les Hatters. Les Hatters, les chapeautés finalement. Exactement. Donc, ouais, on pourrait probablement dire ça en français des chapeautés, oui. Les chapeautés médicamenteux. Ouais, ça doit être ça. On pourrait le suggérer à la Rousse. Oui, c'est ça. et ça, ses amis. Donc, c'est ça. La semaine dernière, oui, il y avait un spectacle qui avait lieu ici en ville. Puis c'était la première fois. J'espère que ce sera le premier d'une série, qu'il y en aura d'autres, mais c'est la première fois que la ville organise. En fait, je ne sais pas qui produisait le spectacle. Pardon. Mais c'était un spectacle qui était organisé dans un parc ici à l'extérieur. C'était gratuit. Puis c'est vraiment une très, très belle place. Le parc, on dirait, a été fait pour recevoir des spectacles. Il y a comme une espèce de chapiteau permanent qui est là. Ça ressemble vraiment à une scène. Puis le parc est vraiment là, designé comme si c'était une place à festival. Mais c'est la première fois qu'il y avait quelque chose qui se passait là à l'extérieur. Et pour l'occasion, c'était là, en fond la mini-tournée de Aiden Knight qui passait ici à Medicinat. Aiden Knight, je vous en ai parlé la semaine passée parce qu'il était en première partie du groupe Carquois que j'avais vu la semaine d'avant à Calgary. Mm-hmm. Et après Calgary, les deux splittaient un peu. Là. Il avait fait plusieurs dates avec Carquois, mais après Calgary, Carquois partait vers le Yukon et eux descendaient vers le sud. On passait à Lethbridge et Medicinat. Et c'était vraiment différent, le spectacle, je dirais, de celui que j'avais vu en première partie de Carquois. Peut-être parce que j'avoue là que le soir où je les ai vus avec Carquois, j'avais juste vraiment très, très hâte de voir Carquois. J'étais vraiment impatient. Donc peut-être que mon écoute n'a pas été la même. Mais Aiden Knight, là, je vous en parlais un peu avant d'écrire plus le spectacle. Aiden Knight, c'est un artiste de Victoria, en Colombie-Britannique. Quand on le regarde, là, Aiden Knight, il a l'air vraiment tout jeune. Il a l'air de sortir de la cour d'école, mais il a quand même 25 ans. Il a quand même un assez long bagage musical. Il a fait partie de plusieurs groupes qui n'ont pas eu vraiment de succès, mais quand même, ça fait une dizaine d'années qui est dans des groupes et qui fait de la musique. Et il a même fondé, en 2008, sa propre étiquette de disque, en fait, pour produire ses albums. Là, c'est un genre d'étiquette indépendante. Là. Et ça s'appelle Adventure Boys Club. Et c'est une étiquette qu'il a fondée avec un membre du groupe Seth the Whale, qui, je crois, joue parfois assez fou. Ben oui, tellement, on adore ça. Voilà, donc ils ont fondé ensemble leur propre étiquette pour produire leur stock, je dirais. Et justement, l'un des premiers albums qu'ils ont produit, c'est les EP de Aiden Knight. Il a sorti plusieurs EP entre 2008 et 2010. Son projet solo, là, comme on le connaît présentement, a commencé en 2008, sorti quelques EP. Et l'année dernière, a sorti son premier album complet, Versicolor, qui est sorti en mars 2010. Et j'avais entendu un peu l'année dernière, quand il était sorti, je me souviens, j'avais écouté un peu de quoi ça a l'air et j'avais pas trop flashé là-dessus parce que Aiden Knight, faut dire, c'est un son qui est assez minimalisme. Okay. Donc, faut quand même être fan de ce style-là qui est quand même un peu dur des fois d'accès. Là. C'est pas pour ça. Faut être dans un certain état, je dirais, pour aimer ça. Et surtout sur la version album, je trouvais que c'était vraiment, ça manquait des fois un peu d'arrangement puis un peu de vie parce que le minimalisme, en plus d'avoir pas beaucoup d'instruments, souvent même dans le contenu des paroles, même dans le ton, là, souvent c'est maigre un peu. Ah, c'est à tout pour lui, ça? Ouais, vraiment, je vous en parle, vous avez le goût, vous avez c'est hâte. C'est le charme avec les murs blancs, tu sais, mais il y a un cadre. C'est ça. Mais en spectacle, c'est vraiment différent. Premièrement, sur l'album, il y a plusieurs pièces qui étaient faites seulement voix-guitare. Il y avait quand même aussi certains arrangements. Et en spectacle aussi, il y a certaines pièces en spectacle qui continuent à faire seulement voix-guitare, mais il s'est quand même entouré d'un band pour faire sa tournée. Et j'imagine là, il y a quand même quelques nouvelles pièces qui jouent qui sont plus garnies un peu en frais d'arrangement. Et parmi les gens qui forment son groupe, il y a entre autres Olivier Clément, qui est d'origine québécoise, mais qui a fait le tour du pays pas mal. Lui, il a été dans le groupe de Ho Darling. Je ne sais pas si vous connaissez de Ho Darling. Non, non plus. C'est une espèce de super band de Toronto qui sont comme 7-8 avec plein de cordes puis de cuivre. Et lui, justement, Olivier Clément joue avec Aiden Knight, joue des cuivres, joue de la trompette et quelques autres instruments là, pour accompagner. Et c'est ça, donc lui est parti de Toronto, parti vivre en Colombie-Britannique, il a rencontré Aiden Knight là-bas, ils ont commencé à former un groupe comme ça, puis finalement Aiden Knight a décidé là, comme de garder ce groupe-là puis de les amener avec lui. Donc justement, je voulais juste vous faire entendre un peu de Ho Darling. On pourra en entendre une pièce un peu plus tard. J'ai pas beaucoup de renseignements sur ce groupe-là. Je pense que le groupe n'existe plus. Dernier album date de 2009, puis les nouvelles sont pas très récentes pour ce groupe-là. Justement, là, il y a comme des membres qui sont plus dans le groupe, donc je suis pas sûr que le groupe existe encore, mais on pourra en écouter une pièce tantôt, c'est vraiment très bon. Ouais, on écoutera Adventure Song plus tard. Parfait. Et pour ce qui est de Hidden Night, ben c'est ça. J'ai choisi de vous faire écouter un côté quand même assez minimaliste de Hidden Night. J'aurais pu choisir une pièce qui est plus garnie, mais je voulais vraiment vous essayer de vous intéresser à un côté un peu plus simple parce que moi, c'est ça, j'avais un peu d'appréhension en allant voir le spectacle. Je suis pas sûr si j'aimerais ça, ce côté très simple-là. Mais finalement, je pense que c'est peut-être les pièces que j'aime le plus parce que Hidden Night, là, la pièce qu'on va écouter, c'est une des plus pop. Qui est un petit refrain très accrocheur, donc c'est peut-être pas là où on peut entendre toute l'émotion puis la puissance d'Hidden Night, mais vraiment quand il est seul sur scène avec sa guitare, c'est un gars qui est tellement sensible puis il est tellement proche de son public, là, il parle tout le temps, les deux fois je l'ai vu, là, ça arrivait des fois entre deux pièces, il se mettait à discuter avec des gens du public. Donc il est sur scène, là, tu regardes le spectacle, puis là, maintenant il jase tellement que les gens y répondent, puis là, il commence à jaser, tu sais, pendant 2-3 minutes avec le monde. Donc il est vraiment très proche, puis c'est un gars qui est quand même... très touchant à voir, puis très très touché aussi. C'est un gars assez émotif, mais pas émotif fatigant, là, genre torturé. Non, c'est ça, il se met pas en boule à terre pour pleurer. Mais comme juste un exemple, pendant le spectacle, c'était le soir, donc le soleil se couchait, puis à un moment donné, il a arrêté de jouer. Puis il a regardé le soleil, il dit, wow, dis donc, je suis chanceux, vous avez des couchers de soleil comme ça. Puis il a arrêté de jouer seulement pour regarder le coucher de soleil, les oiseaux qui s'envolaient. Puis en même temps, cette semaine-là, je sais pas si c'est encore comme ça, mais la semaine passée, il y avait des inondations terribles là, dans son coin, dans le sud de la Colombie-Britannique. Puis il disait, chez nous, c'est la catastrophe, là, c'est l'état de crise. Puis ici, là, je suis ici à soir dans le soleil. En tout cas, c'était vraiment beau de le voir, juste être bien. T'sais, il fait comme te communiquer son envie d'être bien. Ouais. Ça fait du bien, je pense, d'aller voir Hidden Night en spectacle. Mais la pièce que j'ai choisi de vous faire écouter d'Hidden Night, c'est une version acoustique, ben une version là, live plutôt, de la pièce Jasper, qui a un peu, si on veut, son plus grand succès. Et c'est une version qui interprète live avec Dan Mangan. Ben oui. Puis c'est un petit extrait, j'ai trouvé ça sur YouTube. Et ils sont vraiment comme dehors dans le bois, en plein hiver. Ils ont l'air complètement gelés. Puis les deux sont là, ils font la zone. Donc, si ces gens font le petit tour sur YouTube, vous pourrez voir ça. Puis en même temps, ça m'amène à vous glisser un petit mot comme ça sur Dan Mangan, parce que je sais pas si je vais avoir l'occasion de vous en reparler. La semaine prochaine, là, lundi, c'est congé, donc c'est on se parlera pas. Ben non. J'aurais peur d'oublier de vous parler que Dan Mangan va être au Québec les 16 et 17 octobre. C'est le 16 à Montréal, au Théâtre du Promont, et le 17 au Cercle à Québec. Il faut absolument que vous allez voir Dan Mangan. C'est excellent. Son nouvel album, Oh Fortune, je l'écoute en boucle depuis la semaine passée, la semaine où il est sorti. Donc, si vous avez quelconque intérêt pour la musique pop-folk, allez faire un tour du côté de Montréal ou Québec pour voir Dan Mangan. Ça vaut vraiment la peine. Ouais, et d'ailleurs, la pièce Oh Fortune de Dan Mangan est sur le palmarès anglophone de C'est fou depuis la semaine passée, je crois. Oh, wow! Grâce à toi, Kiwan! Oh, wow! Je pourrais faire un Hidden Night de moi-même et arrêter l'émission et dire à matin, François-Olivier, puis moi, quand on est arrivé, là, il y avait un lever de soleil. C'était beau, c'était relaxant dans son auto. Là, vous tenez par la main en plus. C'est ça. Exact. Si tu savais. Ah oui. Donc, on va entendre Jasper de Hidden Night et Dan Mangan tantôt. Il te reste un dernier, c'est Burial Sands. Oui, Burial Sands, en fait, qui ont accompagné Hidden Night pour leur tournée, ben, la partie albertaine, disons, de leur tournée. Burial Sands, c'est un groupe qui vient de Calgary et qui ont l'habitude, eux, un peu à l'inverse de Hidden Night, qui ont l'habitude de jouer en band avec, ils sont quatre dans le groupe et souvent ça sonne un peu plus rock ou, non, pas rock, mais disons, un peu plus pop, là, avec des guitares électriques, mais, depuis quelques temps, ils font beaucoup de spectacles seulement à deux. Donc, le chanteur qui joue aussi du piano et le bassiste là, qui joue quelques instruments aussi en même temps. Et c'est ça, donc c'est une autre belle démonstration de musique quand même assez minimaliste puis que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous suggère d'écouter la pièce Through Every Teeth de Burial Sands. Parfait, on va écouter ça juste après Jasper et The Oh Darling. On va pas commencer, Oh Darling. Ça fait super country comme titre, non? Comme Oh Darling! Oui, j'avoue. Darling! Darling! Texan un petit peu, ça. Donc, Kiwan, on va te laisser retourner à tes occupations pendant qu'on écoute les trois pièces, nous? Oui, c'est parfait. On se reparle dans 2 semaines. Et voilà! Merveilleux, puis mets-toi de comment est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça, exact. C'est exactement le mot que je cherchais. C'est ça. Ici, on n'a plus besoin, là. C'est non, fini, là. On a acheté tout ça. Ah, bonne chance. Hein? mettez votre foulard puis vos mitaines. Ah, oh, ça commence ça. Merci encore, Kiwan. Salut. Okay. À dans deux semaines. Bye bye. On commence par The Oh Darling. Voici Venture Song, Assemblage Rookie. Ça s'en vient. Ça avait commencé. Ça avait commencé. Shallowness, take me down. down to the water, fill you up with the deepest of sorrows. That's my brother, shone a light on my own. Oh, when I was frightened, when you put your face in the mouth of the canyon, the murky water tide, what a relief to see all your sins absolved without a washing cloth, just the stillness of the night. Take me down to the water, fill you up with the deepest of sorrows. That's my man, that's my brother, shone a light on my own, shone a light on my own, shone a light on my own. Oh, when I was frightened, when you put your face in the mouth of the canyon, murky water tide, what a relief to see all your sins absolved without a washing cloth, just the stillness of the night. Take me down to the water, fill you up with the deepest of sorrows. That's my man, that's my brother, shone a light on my own, shone a light on my own, shone a light on my own, shone a light on my own. rest. Even as you sleep tonight, the sun is circling overhead. Sleepless vulture peering down over dark silhouettes. And oh, how the spirits cursed you. As a destitute. Oh, though your heart whispers truth, still it will never sway you. Cradled in your arms, he's crying. Infant drowned in mother's mourning. La pièce Through Ivory Teeth de Boreal Sons. Avant entendu Jasper de Aiden Knight avec Dan Mangan. On a débuté avec Venture Song par le groupe The Old Darling. C'est dans le bloc Kiwan en cavale. On remercie encore une fois Kiwan qui est en direct de Medicine Hat ou encore où on appelle les gens les chapeautés médicamenteux. Ouais. Medicine Hat. Non? Donc voilà, et puis d'ailleurs, il fait très chaud, hein? On l'envie tous. Oui, en ce moment. Hey, il se plaint-tu, lui? Il se plaint de vent de plein, toi? Hey, à 34, là. Oh, tu... il fait chaud, mais tu sais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Est-ce qu'on échange avec lui? On va faire une en direct d'une station universitaire là-bas. Puis j'aimerais bien. Ouais. Bon. On prend une petite pause et on revient avec la chronique C'est un fait, tantôt, reste là. C'est fou pour l'écouter. 89.1. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Vous êtes Assemblage requis, il nous reste une bonne heure et 10 ensemble et plein de chroniques et de contenus qui s'en viennent tantôt, mais on a un sujet assez important pour vous en ce moment. Exactement, pour les étudiants, en fait, on sait que ça touche tous les étudiants, la hausse des frais de scolarité. Oui. Il y a une manifestation et ça se déroule demain. Mardi, 4 octobre. Oui, exactement. Au Ludoplex à 8h le matin. Donc, il faut être présent. Il va y avoir une marche. Ça englobe d'ailleurs beaucoup de monde. Mm-hmm. Les cégeps, on parle ici de Victo, Chaoui, évidemment à Trois-Rivières. Il y a l'université ici à Trois-Rivières. Ça ressemble à ça. Là. Donc, tous les étudiants sont invités à collaborer et puis à venir marcher contre la hausse des frais de scolarité. Prendre les choses en main. Exactement. Et puis, je sais qu'en fait, ils vont descendre devant le bureau de Daniel Saint-Amand. Et puis après ça, là, je sais pas, je pense qu'ils font un arrêt devant Radio-Canada aussi. Pour les médias, pour se faire voir le plus possible. Ouais, exactement, exactement. Mm-hmm. Se faire entendre, en fait. Voilà. On n'en veut pas de hausse des frais de scolarité. C'est demain matin à 8h, mardi 4 octobre. Exactement. On se rencontre donc tous au Ludoplex. Exactement, à 8h. C'est noté. J'espère que pour vous aussi, c'est noté. Pas juste pour moi. Vous êtes assemblage requis. Là, maintenant, ce qu'on va faire, tiens, pourquoi pas transitionner très rapidement vers la chronique, c'est un fait. François, est-ce que t'as envie d'entendre des choses? Allons-y, allons-y. T'as pas l'air convaincu. Fait que non. T'as pas l'air convaincu. T'avais pas le goût de la faire? C'est ça. C'est un fait. C'est C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. L'intro a une fin. Donc, commençons par un fait très intéressant sur Charlie Brown. Vous connaissez Charlie Brown? Ben oui, qui ne connaît pas Charlie Brown? Donc, en anglais, ça s'appelle Peanuts. Ça, tu savais ça? Oui. Non? On a déjà parlé un petit peu dans la chronique, c'est un fait à un moment donné, mais bon, super. Donc, ça a commencé hier, dans le fond, le 2 octobre en 1950. Charlie Brown. Ça fait longtemps? Ben oui. En 2009, savais-tu que la PETA, c'est sûr qu'ils s'occupent des soins des animaux, du bon traitement des animaux, c'est ça, a demandé aux Pet Shop Boys de changer leur nom pour Rescue Shelter Boys à la place d'être un pet shop, c'est comme une animalerie. Rescue Shelter, c'est ceux qui sauvent des animaux. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, ça. Tu connais Paul Schaefer, tu sais, David Letterman, l'émission de télé, Late Show with David Letterman. Bon, Paul Schaefer, c'est lui qui a co-écrit la chanson It's Raining Man. Raining Man. Hallelujah. J'avais pas jusque-là, en le chantant moi-même, mais si tu veux le faire, vas-y. Non. OK. Quand on se complète. Là. Ouais, c'est ça. Fonche-toi beau. Les chercheurs de l'université de Kyushu, au Japon, disent qu'un labrador nommé Marine, d'accord, ça c'est un chien en particulier, Marine, peut détecter le cancer du côlon avec 98% de précision en sniffant, en sentant des échantillons de sel. Du sel, pas du sel, mais des sels. Ouais, c'est ça, sans détail. Mais 98%, c'est un labrador nommé Marine. Intéressant. C'est vrai. Hein? Toujours dans le japonais, malgré son nom japonais, tu sais, les couteaux Jinsu Knives, des couteaux qui ont l'air japonais, sont manufacturés ou fabriqués à Fremont, en Ohio. Ça? C'est ça. C'est bien. Quand Jack Norworth a écrit Take Me Out to the Ball Game, une de tes chansons préférées. Là. Ouais. Chante-la donc. Take me out to the ball game. C'est ça. Donc, il n'avait jamais vu de partie de baseball de sa vie quand il a écrit ça. C'est vrai. En 1994, le Kentucky, ça c'est l'État du Kentucky, d'accord, a changé le logo des Wildcats. Il y avait une équipe de sport, les Wildcats, parce que la langue de la mascotte avait l'air un petit peu phallique. Phallique. Si tu vas sur le lien sur assemblagerequis.com, là, et que tu cliques sur ce lien-là, tu peux voir le avant et après du logo des Wildcats, une équipe d'un sport quelconque avec, j'imagine, un ballon ou une balle. En effet, c'était très, très phallique. C'est vraiment, c'est super beau. Bizarrement, tiens, on en sait moins sur le nombre de gens qui étaient go. Est-ce que tu l'as vu? C'est petit un peu, là. Mon ordi, c'était temps. Ah, on a des problèmes d'ordinateur de ton côté, c'est super ça. Une chance que le mien va bien. Donc, on en sait moins sur les gauchers de nos jours que les gauchers de l'âge de pierre, parce qu'on estime, d'accord, qu'à l'âge de pierre, il y avait 50% de la race humaine qui était gauchère. Pourquoi? Parce qu'on a étudié les outils. La façon que les outils étaient faits, son angle de prise, là, on dit qu'il y avait 50% de gauchers. À l'époque de Stone Age, pierre à feu et tout. Donc, maintenant, on dit qu'il y a des estimés, et ça varie beaucoup, là. C'est entre 5 et 30% de gauchers. Il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins. Qui est gaucher ici? Est-ce que quelqu'un est gaucher? Personne n'est gaucher? Non. Non. On est tous droitiers, tu vois? On est normaux. normaux. Je blague. Pour photographier des crêpes avec du sirop d'érable dessus, OK? Pour photographier. Parce que tu sais que tu sais, du sirop d'érable, ça finit par être absorbé par la crêpe. Puis ça devient pas super beau, mais ça reste très, très bon. Hein? On s'entend là-dessus. Donc, il faut mettre du protecteur de tissu par spray et ajouter de l'huile à moteur pour faire des photos de crêpes avec. OK, l'huile, donc, fait le sirop. C'est ça. Ben, il y a du sirop et de l'huile, j'imagine. Ça dit d'ajouter l'huile de moteur. Donc. Ça dit pas de le remplacer. Parce que sinon, il me semble que ça fait melasse un petit peu. T'sais. Parce que des crêpes à melasse, on s'entend pas aussi bon que du sirop d'érable. Non, de la melasse. Moi, en tout cas, j'ai jamais trouvé melasse. Non, moi non plus. Bon, c'est ça. Il y en vend bien, on va parler. Hein? Une étude américaine a découvert qu'entre 1983 et 2000, 96% des gens qui ont vécu un accident d'avion ont survécu. Entre 1983 et 2000. 96 ont survécu. Ça fait 4% de morts, mais quand même. C'est encourageant quand même, un peu. Comparé aux accidents de voiture, où j'imagine qu'il y a beaucoup plus de monde qui meurt. Mais j'ai pas les chiffres, mais j'imagine. Ouais. Je sais pas. Dur à dire. Les scientifiques ont nommé deviner la chanson ici. Tu sais, on connaît l'émission, on connaît la chanson avec que de Toon Kitten, là. Chose là, TVA. Je pense que ça vit pas. J'ai pas écouté, par exemple, je sais pas. Là. Ben, tu fais bien peut-être. Hein? Donc, les scientifiques ont nommé une chanson comme étant la chanson la plus accrocheuse de tous les temps. La chanson la plus catchy, accrocheuse, là. Go for it, nomme-la. Vas-y. Devine. Demain. Chanson la plus catchy au monde. Je sais pas. C'est par Queen. Queen. Ouais. C'est super aigu. Ouais. We are the champion. We are the champion. Super catchy, hein, ça? La plus catchy du monde, je dirais peut-être. Ouais, c'est ça, je sais pas. Tu t'es toujours demandé, François-Olivier, les souliers britanniques, ils ont un système différent pour calculer les grosseurs de pieds. en Grande-Bretagne. Tu as un petit tableau des fois dans les magasins de souliers, etc., etc., pour ceux qui ont des souliers fancy dans un magasin fancy. Donc, pour calculer ça, tu multiplies la longueur de ton pied en pouces, d'accord? Tu multiplies ça trois fois, et ensuite, tu soustrais 25. Ou encore, pour les enfants, tu soustrais 12. Donc, tu prends la longueur de ton pied en pouces, multiplié par 3, soustraire 25, ça donne la grandeur britannique des souliers. Hein? Personne ne veut retenir ça, mais c'est le cas quand même. La personne qui a fait le design, qui a inventé le tube de chips Pringles. Pringles, on connaît ça? Tu peux pas en manger juste une, là, comme ils disent. Donc, le tube Pringles, l'inventeur Frédéric Bauer. Hein? Comme Jack, là, mais un autre Bauer. A demandé à ce que ses cendres... Oh, ça veut rien dire. Qu'ils soient enterrés dans ce contenant célèbre. Donc, meurs brûlés dans une canne de Pringles. Vends ça pas cher. Vends ça pas cher. Puis, à saveur de mort. Bon. Et on termine avec... oui, des blagues qui... Pourquoi je fais ces blagues-là, je sais pas. Donc, un charpie, un vieux charpie qui serait asséché. Peut-être ramené à la vie en trempant le bout de ce charpie-là dans de l'alcool à friction. Fantastique. Fantastique, non? Fantastique. Et voilà. Depuis le temps. Comme ça, tu pourrais indiquer sur la canne, ici, il y a un mort dedans. Ne pas manger. Ouais. Avec ton charpie. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Hey, merci, Mathieu. Je n'avais pas précisé que c'était mes quickies du lundi, mais apparemment que c'était ça pareil. Hein? Mes quickies du lundi, elles sont plus courts. Bon. Très débiles. Pas d'informations superflues. Non, aucune. S'il vous plaît. Non, superflu. Voilà, François. On retourne en musique. Oui. T'avais quelque chose d'autre à dire, j'imagine, toi? Non. T'avais l'air à ça, en tout cas. Non, vas-y. T'avais l'air à ça. Non. T'avais l'air de quoi? Non. Ben, Mathieu, voyons donc. Laisse faire. Arrête. On va entendre. Lâche-moi le nez. Le nez? J'ai pas le bras si long que ça non plus. Voilà. Pete Jordan et Scarlett Johansson avec Relator, 89 FM. C'est Assemblage requis sur C'est fou. Hein? C'est comme dire un petit peu que c'est sur C'est fou que c'est Assemblage requis sur C'est fou. I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see that lots for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. But you don't relate to me, no girl. But you don't respect to me, no girl, no girl. Yeah. I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you at home every day. I don't beg, I don't borrow, but still. You don't think that life's for us to talk about. Pete Jordan et Scarlett Johansson avec la pièce Relator à Assemblage requis. C'est la fin de la première heure. On revient tantôt avec Xavier. Xavier, oui, qui nous parle de thé. Oui, de cuisine. Un petit dessert là, qui a l'air tellement délicieux que j'ai hâte de goûter. Un dessert délicieux de Mathieu. Ouais, non, pas celle-là. Son pot a l'air dur à ouvrir aussi. Oh, ouais. Vas-y, on parle avec lui. Ah, ouais. Farce. Yeah! Restez là. l'écoutez. 89.1. Il avait l'air aussi difficile à remettre qu'à enlever le couvercle. Bienvenue, deuxième heure d'Assemblage Requis en ce lundi 3 octobre 2011, 8h03, Lucien François, Olivier Marchand. Et c'est Mathieu Plante. Oui. Mathieu Plante. Planta. Planta. Planta. Ok, tu mets un petit peu trop d'accent sur la deuxième syllabe pour rien, mais c'est pas grave, ça va aller. On va accueillir notre chroniqueur T. On a très très hâte de parler avec lui parce qu'il nous amène des choses qui m'ont l'air assez délicieuses. Voici Xavier avec Tais-toi et cuisine. Hey! Bonjour Xavier. Allô Mathieu, allô François. Salut, salut, ça va bien? Oui, oui, bien sûr. Oh que oui, maintenant que t'es arrivé avec tous tes cadeaux. Juste toi, en temps normal, juste tout seul, ça aurait été correct, c'est sûr. Mais j'arrive toujours accompagné. Mais c'est ça, toujours bien accompagné aujourd'hui. Donc, tu nous amènes quoi et tout ça? On va parler de ça dans quel ordre? Parce qu'il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Je te dirais que pour commencer, tu peux mettre ton infuseur dans ta casque. Oui, c'est le moment. C'est le moment de le faire avec très grande attention, hein, parce que moi, les dégâts, là, c'est un petit peu trop... C'est pour ça qu'on se dit qu'on devrait avoir peut-être des caméras dans le studio, ça pourrait être sympa. C'est sûr, hein? Donc, dans le fond, en thème général de la chronique aujourd'hui, ça va être thé vert. Donc, entre autres, on va avoir l'importance d'infuser le thé vert dans une eau à bonne température. Donc, ne jamais mettre du thé vert dans de l'eau bouillante, par exemple, et de le mettre toujours dans une eau chaude. Donc, généralement, pour les grands traditionnels, les Japonais surtout, on va souvent aller autour d'environ 72 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Donc, 100 degrés, c'est pas mal trop chaud pour un thé vert traditionnel japonais. Donc, on l'a fait refroidir après l'avoir fait bouillir. Exactement. D'accord. Donc, je vous ai préparé un petit shooter à la base. Oui. C'est vraiment avec un thé vert fait dans de l'eau bouillante, justement. Donc, vous pouvez le tester en premier. Et puis, toi, une fois que tu auras testé, Mathieu, le thé vert, dans le fond, amer, tu pourras tester le deuxième. Tu verras la différence théoriquement. OK, donc je goûte celui-là tout de suite alors que l'autre, je laisse infuser. D'accord. C'est ça. Je goûte. Parce que le premier est déjà infusé, puisque je l'ai mis dans de l'eau bouillante juste avant d'entrer dans le studio. OK. J'haïs pas le... Si tu dis que c'est plus amer, celui-là, j'haïs pas ça. OK. J'aime bien, quand même. Tu sais, peut-être que je devrais pas, mais je trouve pas ça mauvais au goût. OK, dans le fond, il y a dans certains thés verts, tu as déjà une certaine amertume naturellement, même si c'est infusé dans une eau chaude. Généralement, les thés verts chinois vont goûter peut-être un petit peu plus fort, légèrement plus corsé, sensation grillée. Donc, moi, justement, c'est pour ça que j'aime pas nécessairement les verts chinois. Je suis plus vert japonais en tant que tel. Non, je suis surpris. Je m'attendais à pas aimer ça du tout, mais non, j'aime bien. Et puis là, dans le fond, tu peux remuer un petit peu ton infuseur dans ta tasse et puis goûter à celui-là. Tu devrais voir une petite différence, avoir justement l'astringence en moins dans cette tasse-là. Okay. Et généralement, un thé vert, une fois qu'il est infusé, on l'enlève de la tasse. Justement pour permettre de faire comme ce qu'on appelle la méthode Gong Fu Cha, c'est-à-dire une réinfusion du thé en tant que tel. Le Gong Fu Cha. Gong Fu Cha. C'est ça. Dans le fond, ça veut dire, c'est la réutilisation des feuilles de thé. Okay. Dans le fond, si tu le fais infuser une première fois, ça se fait généralement dans tous les thés verts purs, ce qu'on appelle. Donc, généralement, on le fait infuser une première fois, une deuxième fois, troisième fois. Les thés qui sont généralement utilisés dans cette processus-là, c'est les thés blancs, thé vert, thé oolong. OK. Alors, la différence entre les deux, Mathieu? Je suis pas très bon critique, hein, j'ai de la misère un petit peu, mais je le trouve un petit peu plus... J'allais dire sucré, mais... Dans le fond, tu as le droit, parce que dans le fond, celui que je vous ai choisi aujourd'hui, c'est un des meilleurs que j'ai eu l'occasion de boire, personnellement. Donc, c'est un thé qui a été... privé de lumière pendant environ 7 semaines, enfin pas totalement de lumière, environ 90% de lumière pendant environ 7 semaines avant la récolte des feuilles d'été, justement pour puiser tous les minéraux du sol, booster justement la photosynthèse, création d'antioxydants. Mm-hmm. Et au goût, il a une sensation légèrement crémeuse, légumes vapeur. Ouais, ok. Ah, j'aime ça. Ouais, crémeuse. Légumes vapeur. Ouais. Légumes vapeur, c'est très bon les légumes vapeur. Les stumés, François. Ouais. Les stumés, ben oui. Justement, la différence entre thé vert chinois et thé vert japonais, c'est que les thé verts japonais sont vraiment oxydation arrêtée à la vapeur. Donc, on va vraiment faire beaucoup de... Bah, dans le fond, par des vapeurs, des molécules d'eau qui vont vraiment arrêter l'oxydation des feuilles, alors que les Chinois, ça va être beaucoup au wok, donc cuit, comme tu l'avais dit la première fois qu'on s'était vu, comme si on faisait comme des légumes, des vermicelles au wok, alors que là, il n'y a pas d'huile. Ok. C'est totalement à sec. Puis toi, François, tu as un thé vert chinois encore, donc un sencha, avec des morceaux de pommes de canneberge. Tu as aussi de la papaye et de la noix de coco. Ben, j'ai trouvé... En fait, je le sentais. Je me demandais qu'est-ce que ça sentait. Et ça et sent les roquettes. Les roquettes, ouais, c'est pas les petits bonbons... Ouais. Exact, ça sent exactement ça. Rond, ouais. Ah, ouais. Sûr que t'as l'Halloween, puis que tu finis par jeter un peu. Ah non, c'est bon. Excuse-moi. Celui-là, il va à la limite goûter un petit peu les gâteaux aux fruits, je te dirais. À cause du corps, de tout ça, puis la noix de coco qui va donner une sensation crémeuse aussi. C'est un drôle de mélange quand même, tout ce que tu dis là, c'est des choses que tu dirais pas qui iraient ensemble, mais... Et au final, je pense que c'est un de mes préférés de l'été vert aromatisé. C'est ça, ça a vraiment une senteur assez particulière. On va être jaloux l'un de l'autre toutes les semaines, hein, François? De toute façon, moi, celui-là, c'est un thé que j'ai aimé depuis la première fois que je l'ai goûté. Ça fait 9 mois environ. Mm-hmm. Puis je m'en suis acheté une grosse batch parce que je savais qu'il était justement très saisonnier, ce thé-là. Ah, c'est ça. Il va pas rester, non? Ben, dans le fond, celui-là était présent comme pendant le mois de décembre, début janvier de l'an dernier. Okay. Puis il est disparu juste après. Et puis, il semblerait que je vais le retrouver dans le magasin préféré d'ici quelques semaines. C'est quoi son nom? Est-ce que tu sais par cœur? C'est le joyeux lutin. Ah, j'ai déjà entendu ce nom. Mais c'est ça, est-ce que dans les grands magasins de thé qui font des collections saisonnières, est-ce que ça leur arrive de prendre la même recette dans deux collections différentes, comme mettons la collection printemps et la collection, mettons, Halloween? Je sais pas, il y en a un qui pourrait peut-être se répéter, mais changer de nom, avoir les mêmes ingrédients. Ben, dans le fond, c'est quand même extrêmement rare que le même thé revienne dans deux collections totalement différentes. Okay. Peut-être une collection automne et l'autre collection automne suivante. Ok. Ce qui est le cas, dans le fond. Mais elle va revenir avec le même nom quand même. C'est ça. Pour les habitués. Ça, par exemple, il y en avait un qui était présent dans une ancienne collection, puis qui est revenu, dans le fond, ponctuellement pour Halloween, qui a changé de nom, juste le temps de l'Halloween, qui a repris son ancien nom et est disparu par la suite. C'était un thé vert avec des arômes de caramel et je sais plus exactement. Et d'abricot. Oui. Ah, waouh. C'est ça, donc il était quand même très bon, ça faisait partie de mes préférés. Il était très sucré aussi, mais Joyeux Lutin est quand même loin devant celui-là aussi. Mais je pense que Joyeux Lutin, justement, c'est un thé en fait qui peut être accessible à tout le monde. Oui. Pour commencer, en fait, là, est-ce que vous recommandez ce genre de thé? Justement, pour les personnes qui n'aiment pas justement les thés sans arôme, je dirais qu'on va miser sur les choses beaucoup plus aromatisées, comme celui-là, il est quand même très bon. Ouais. Puis, il y en avait un autre aussi que, dans le fond, j'hésitais entre Joyeux Lutin et l'autre, Noix Grillée, que j'aime énormément. C'est mon thé préféré de la collection. Puis, c'était un mélange d'ananas, noix de coco, noix de Grenoble, amandes. Donc, c'est quand même beaucoup plus crémeux que ça, avec une légère sensation fruitée. En glacé, c'est plus le fruit justement qui ressort. Mais justement, j'hésitais entre Noix Grillée et Joyeux Lutin. On fait comme, oh, Joyeux Lutin, il est tellement meilleur. Mm-hmm. Ah, mais il est très bon. Est-ce que je devrais enlever ma poche? Oui, tu peux enlever ta poche. C'est le moment de faire des jeux de mots de poche? Oui. Aussi? Ça te fait un petit bout que tu peux enlever ta poche. Ah, oh, ok. Faut que tu me le dises, hein? Faut pas que tu laisses ta poche trop longtemps, là. Non, jamais. Ouais. Quand est-ce qu'on va se tanner de ça? Jamais. Oh, jamais. Je sais pas pendant combien de temps on va pouvoir faire cette joke-là. Ah, tu vas voir, longtemps. Moi, ça me dérange pas personnellement. Ne doute pas de nos capacités à faire des mauvaises blagues, Xavier. J'en doute absolument pas. Tu m'offusques. Donc, on a goûté le thé, on l'a vraiment savouré. Moi, en tout cas, je pourrais boire celui-là en remplacement d'un thé vert normal, tu sais, genre plate. Là. Ça fait vraiment pas mal plus de travail, j'aime ça. Yvette, tu as le droit. Et c'est même pour ça aussi qu'on va favoriser les thés, dans le fond, qui sont vendus en vrac. Donc, peu importe où, mais les thés en vrac sont vraiment de meilleure qualité généralement, puisque les thés qui sont vendus déjà dans les sacs. Sous vide. Bah, sous vide aussi, mais par exemple dans les petits sachets des grandes marques de commerce, ça va être vraiment comme des restants de feuilles ou des poussières. Et souvent, quand c'est des thés aromatisés, on ne verra même pas de gros morceaux de fruits à l'intérieur. Alors que toi-même, dans Joyeux Lutin, tu vois, il y a des morceaux de canneberge en tant que tel à l'intérieur. Alors que dans les autres, ça va être des aromatisants plus que des morceaux de fruits. Ouais. Qu'est-ce qui est aromatisé comme ça? On ne peut pas les réutiliser. Tu peux toujours les faire réutiliser aussi. Tu les fais sécher, en fait? C'est ça. Ben, moi, je conseille, si moindrement c'est dans la même journée, on peut le laisser sans problème sur le comptoir. Si moindrement on veut le faire plus tard dans la semaine, je le mettrai plus dans le frigidaire. OK, mais tu le fais sécher avant, tu le mets dans le frigidaire après, non? Non, tu le prends, c'est ça. Trempe, tu mets ça... C'est ça. Tu mets ça peut-être dans un sac, j'imagine? Ben moi, je le laisse personnellement directement dans l'infuseur, c'est plus pratique pour le reprendre après. Mais c'est vrai que le mettre directement dans le froid comme ça, surtout quand c'est avec beaucoup d'arômes comme ça, ça va fragiliser un petit peu les feuilles de thé. Donc, c'est pas la meilleure manière de l'entreposer après. Mais ça permet aussi de les faire réinfuser, de, justement d'extraire tous les antioxydants à l'intérieur des feuilles de thé. OK. OK, c'est bien. Ouais. Et toi, en fait, là, souvent, tu fais ça? Oui. Ben, je dirais que j'ai encore du joyeux lutin qui m'attend dans un infuseur dans mon frigidaire. Et puis, wow. Je l'ai fait infuser il y a 2 semaines. Donc, le fait de le mettre dans le frigidaire aussi, ça permet de le garder un peu plus longtemps. Alors que si mon dormant, c'est sur le comptoir, on est obligé de le prendre de la journée même à cause des bactéries qui pourraient, en fin de compte, se développer à l'intérieur des milieux humides. Non au milieu humide. Maudite bactérie. Ouais, les poches en milieu humide. Hein, ça... OK. Donc, okay. On est rendu au dessert. Oui, Xavier. On peut très bien s'y rendre maintenant. Donc, je vous ai préparé, dans le fond, un petit duo de mousse. Dans le fond, vous avez une mousse chocolat avec une phase intermédiaire au matcha et chocolat blanc. Wow. Donc, le matcha est aussi un thé vert. Donc, différence entre sencha et matcha, c'est que le sencha, c'est un thé infusé, alors que le matcha, ça va être des feuilles totalement broyées. Donc, dans le fond, pendant le processus de fabrication du matcha, ça va être un petit peu comme le thé que tu es en train de boire, Mathieu. Ouais. Dans le fond, c'est un thé qui a été privé un petit peu de lumière. On va ensuite enlever tout dans le fond les petites nervures à l'intérieur des feuilles de thé. On va les broyer totalement. Et dans le fond, quand on boit du matcha, puisque ça se boit aussi celui-là, je voulais le faire aussi avec vous, mais j'avais pas assez le matériel pour le faire avec vous. Donc, on va vraiment ingurgiter la totalité des feuilles de thé, ce qui permet aussi d'avoir tous les antioxydants, tous les minéraux des feuilles de thé sans aucune perte. Donc, quand on dit c'est quoi le thé avec le plus d'antioxydants, généralement, on va dire que c'est le matcha, parce qu'on va vraiment ingérer toute la feuille de thé. Si on parle de thé infusé, ça va être plus du thé blanc. D'accord. OK. D'accord. Là, les gens sont peut-être allés sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Sinon, il faudrait peut-être qu'il y ait à un moment donné. C'est ça. Ajoutez-vous. Là. Vous avez peut-être vu la photo. C'est très, très joli. C'est vraiment littéralement là, une tranche de vert entre deux tranches de brun. Mm-hmm. Genre. Donc, on va essayer de prendre les... Ouais, dis de même, ça a l'air bizarre. Donc, on va essayer de prendre les 3 étages en même temps. On peut essayer? Ben, vous pouvez essayer. Puis de Mais toi, il est où le tien, là? Ouais. Moi, j'ai déjà mangé une quantité double de ça avant. Genre hier soir. C'était pour tenue, toi? Hein? C'est... Ah non. Attention, j'essaie. Et puis, dans le fond, quand vous pourrez aussi goûter un petit peu de thé blanc, de chocolat blanc, justement, la couche intermédiaire, vous devriez goûter aussi en même temps le chocolat blanc et le chose en plus, c'est le matcha. Parce que le matcha est quand même extrêmement astringent. Si je l'ai mis dans du chocolat blanc, c'est parce que le chocolat blanc est extrêmement sucré. Donc, va aussi permettre de casser l'astringence du matcha. Les personnes qui ne sont pas habituées, c'est une manière de l'apprêter dans notre quotidien. Ça n'a juste aucun sens comment c'est bon, là. Ça goûte pas excessivement le thé non plus. Mais goûte le. C'est peut-être moi, en fait, qui a de la goûte misère. Goûte le chocolat blanc tout seul, dans le fond, la couche verte. Mmh. Ouais, ça me goûte. Ben voilà. Ouais. C'est vrai que dans le fond, c'est vraiment du chocolat noir 70% que j'ai utilisé pour faire la mousse en tant que tel. Ça paraît que c'est du noir, hein. Parce que s'il y a bien une chose que j'adore, c'est le chocolat noir. Et plus il est haut en pourcentage, bon, je vais pas aller au-delà de 10%, mais au lieu de 90%, mais c'est ça, j'aime beaucoup travailler le chocolat entre 70 et 90% de cacao. Je pourrais te laisser parler par toute la fin de l'émission, puis juste continuer de manger aussi. Ben, je pense pas qu'il va en rester d'ici une dizaine de minutes. Je pense pas que tu arriverais à te freiner. Ah, mais c'est bon, c'est vraiment bon. C'est très bon. Donc voilà comment j'ai gâté un petit peu mes animateurs. On mérite tous pas les ça, lundis wow. matin. On mérite vraiment pas ça, François. Qu'est-ce mais si, vous le méritez. Vous êtes quand même allé me chercher depuis les limbes, je ne sais où. Pour que j'intègre votre équipe le lundi matin. On t'a repêché pas mal de loin. Hein. Ouais, je me sentais tel un petit poisson. Ah oui? Ah, t'avais une truite. Donc je suis une truite. Ouais, truite. On peut te surnommer comme ça si tu veux. On va à chaque semaine t'appeler truite. Ah, il n'y a pas de problème. Il y a déjà plein de monde qui m'appelle truite. Truite. Pour vrai? Ben oui. Pourquoi? OK. Détail personnel. ça a l'air assez détaillé. Et puis quand on sera plus en onde, je vous ferai la danse de la truite. Ah ouais? OK. On prendra ça en vidéo inaperçue puis passer ça sur Facebook. Tu disais que tu voulais des caméras en studio, ben ça t'apprendra. Ça, ça me dérange pas. Je n'ai aucun complexe. On te retrouve lundi prochain à 8h. Exactement. Et vraiment, c'est très apprécié, ta petite chronique comme ça, toutes les semaines. Donc, lundi prochain, on va s'orienter vers l'été oolong. Donc, on va monter un petit peu plus dans l'oxydation des thés en tant que tel. Donc, vraiment, thé oxydé, généralement entre plus de 10% jusqu'à environ 60-70%. C'est quoi ça, ce pourcentage-là? Dans le fond, c'est l'oxydation. Ok. Dans le fond, plus un thé va être oxydé, dans le fond, plus il va falloir des températures chaudes pour les faire infuser aussi, okay. Entre autres. Okay. Nous, on va essayer d'entraîner notre langue d'ici là pour essayer de différencier les choses, parce qu'apparemment qu'on a de la misère avec la différenciation. Mais comme je vous ai dit, quand vous goûtez un thé en tant que tel, n'oubliez pas de faire entrer les bulles d'air en même temps. Oui, oui. On l'oublie ça. Ouais, ça ah. Comme ça, genre, pendant que tu bois. Non? Ah, j'aime bien quand vous faites ce petit son-là. Ok, bon. Là, on va trop loin. Merci beaucoup, Xavier, encore une fois. Ça fait merci. Plaisir. À la semaine prochaine. Hey, on a-tu du fun avec les jeux de mots et les blagues osées ici? Yes, là? Bon. Alors, on va entendre un petit peu de Malajub sur leur album La Caverne. Voici ça en suit. Et juste après, ou plus tard, en tout cas dans l'émission, il va y avoir la chronique Sport avec Nicolas Ducharme. Donc, de thé à sport, transition facile. Non? Les sportifs, c'est plus du Gatorade. T'sais. Ça, des critiques de Gatorade dans la bouche, c'est moins... Non. Moins gagnant. T'es encore en train de boire du thé, manger notre dessert. François, l'a déjà terminé. Comment tu fais? C'est tellement de sucre que je dois le laisser passer avec le temps, tu sais. Ouais, ouais, c'est vraiment très sucré, mais sérieux, c'est très bon. C'est très bon. Et comme on discutait, en fait, pendant la chanson, pendant Malajub, on parlait que c'est ça, c'était pas dans notre culture de cuisiner avec du thé. Et puis, c'est très bon. C'est à faire. Oui, oui, c'est à faire. Et ça goûte pas tant que ça, là. Tu sais, c'est pas prononcé. Des fois, les gens ont peut-être peur, tu sais, de pas aimer le thé. ça rajoute au goût, mais tu peux pas pointer des fois nécessairement où est la saveur. Non, c'est ça, exactement, exactement. Mais ça rajoute. Ouais, ça rajoute. Voilà. Je voulais demander une question à Xavier, tant qu'à ça. Allez, prends le micro. Oh, ouais, non. Xavier, est-ce que c'est facile de trouver des recettes avec du thé sur Internet? Est-ce que les gens ont des places où aller voir, mettons, qu'ils veulent faire des recettes avec du thé? Je dirais qu'on peut trouver ça assez n'importe où. Tu peux te chercher directement sur Internet recettes avec du thé, et puis tu peux trouver ça très facilement. Tu vois. Et puis généralement, quand on va parler de cuisine au thé vert, le thé vert, généralement, c'est généralement du matcha dans ce que j'ai utilisé aujourd'hui, comme des crèmes glacées au thé vert, ça va être avec du matcha. Quand on va parler de chocolat au thé vert, ça va être généralement du matcha, parce que justement, le matcha, c'est vraiment les particules de thé qui vont être en suspension, donc c'est ça qui va être justement s'apprêter le mieux pour avoir un meilleur goût plus prononcé, généralement. Parfait. Ça va bien s'apprêter comme ça. Apprêter. C'est un jeu de mots avec thé. Ben ouais, mais fallait le trouver. Ben, bon. Transitionnons du thé à la chronique CNX. OK? Pour ça, tu vas être content aujourd'hui, il n'y a pas de chiptune dans ma chronique. Ouh! Pas de musique de jeux vidéo. Est-ce que je gagne ou est-ce que je perds? Tu perds. J'ai perdu. Donc, la chronique CNX aujourd'hui, tu vas voir, là, pas de chiptune et j'ai essayé de faire ça short and sweet, OK? Parfait. Des chercheurs ont utilisé Twitter pour traquer l'évolution de l'humeur de 2,4 millions d'utilisateurs dans 84 pays et soulignent que la plupart se réveillent dans de bonnes dispositions qui se dégradent durant la journée. Donc, ils sont plus heureux le matin. OK. En suivant les messages sur Twitter pendant deux ans, ils ont déterminé que les activités professionnelles, le sommeil et la longueur des jours jouaient tous un rôle expliquant l'enthousiasme, la joie, le stress, l'angoisse ou la colère des utilisateurs de Twitter. Ainsi, les sociologues ont découvert deux moments forts dans la journée durant lesquels les tweets révèlent une attitude positive relativement tôt le matin et de nouveau le soir près de minuit. C'est tard, non? Oh ouais. Ces fluctuations laissent penser que l'humeur pourrait être déterminée par le stress engendré par l'activité professionnelle. Non, sans blague. Le travail stresse les gens, mais voyons, il fallait une étude pour ça. ces différents cycles émotionnels sont déjà bien connus de la science, mais les chercheurs dépendaient jusqu'alors de petits échantillons homogènes pour leurs observations. Ils ne pouvaient pas suivre des populations diverses pendant toute la journée et sur de longues périodes. Ben, c'est ça que Twitter apporte, hein, c'est qu'on peut suivre ça. C'est sur la planète, c'est tout le temps. À part quand Twitter est down et puis qu'il y a une petite baleine qui est affichée et qui dit que Twitter est surloadé, tu sais. Surchargé. Ça arrive. Moins qu'avant, mais quand même. Je vois pas, moi. Je connais pas Twitter. Non. Je suis pas fan. Twitter, en tout cas, moi, tu sais, je suis embarqué dessus. J'ai essayé. Je me suis tanné. À un moment donné, je suis revenu. Là, je lisais tout ce qui se faisait. C'était beaucoup trop d'informations. J'ai relâché. Non, moi, c'est très va-et-vient. Hein? C'est très va-et-vient, comme on l'aime ça. Facebook. On peut demander de recevoir tout son historique de son compte sur un CD pour déranger Facebook. Si on reste dans les médias sociaux. Attends, répète ça. Ben voilà, si vous êtes membre du célèbre réseau social et que vous cherchez un moyen d'importuner l'équipe de Mark Zuckerberg tout en gardant un œil sur votre vie privée, c'est une démarche qui pourrait vous intéresser. Donc, tu demandes à Facebook de t'envoyer tes informations par CD. D'accord? Donc, c'est un sujet de discussion sur le site reddit.com qui demandait comment ennuyer Facebook. C'est eux qui ont trouvé cette démarche-là tout à fait légale qui risque de déranger le réseau social. Donc, en quelques clics, un utilisateur du site peut demander à ce qu'une copie de tout ce que Facebook stocke sur lui depuis la création de son compte lui soit envoyée sur CD. Donc, il faut remplir un formulaire nommé « Demande de données personnelles » et se munir d'une pièce d'identité scannée et d'entrer dans l'espace « Veuillez citer la loi régissant votre demande de données ». Il faut rentrer la référence à la loi section 4 DPA, article 12, directive 95-46-EG4. Donc, tu leur dis ça, ils vont être obligés de t'envoyer sur CD toutes tes données. Mais voyons donc. Ça va les déranger, c'est comme une façon de déranger Facebook. Une démarche qui fonctionne selon un témoignage publié par le site Forbes, quand même très réputé, qui fait état d'un fichier PDF de pas moins de 880 pages envoyé à une utilisatrice de Facebook inscrite en 2007. Tout est là, le nombre de pokes, les invitations à des événements, l'historique du mur et les commentaires. Oh. Dérangeant pour Facebook, ça. Voilà, vous pouvez aller lire l'article pour avoir plus de détails sur assemblagerequis.com. Une tablette à 35$, tiens, le ministre indien des communications et des technologies vient d'annoncer la sortie prochaine d'une tablette à 35$. Pas cher. Bientôt, un ordinateur à 35$ sera mis à la disposition de chaque enfant à l'école. La tablette doit contribuer à améliorer la qualité de l'apprentissage des enfants. Du côté des performances, elle est équipée de navigateur Internet, heureusement, et regroupe toutes les fonctionnalités bureautiques nécessaires, donc un lecteur PDF, vidéoconférence, open office, application multimédia, connexion Wi-Fi, port USB et 2 GB de mémoire vive. Prévu pour le 5 octobre, Mercredi, la tablette n'a pas encore de nom. Le ministre Kapil Sibal a déclaré que si le nom était d'ores et déjà déterminé, il ne sera révélé que le jour de la sortie de la tablette. Donc, une tablette pour enfants à 35 $ comparé à la nouvelle Kindle Fire. 199? C'est ça, à 200 $ pour le commun des mortels. Et ils perdent... ils font pas tant d'argent que ça. Je pense qu'ils en perdent Amazon là-dessus. Ah oui? Ça vaut plus cher que ça. Mais bon. Ils en perdent? Ouais, ouais. Mais ils vont faire plus d'argent sur les médias qu'ils vont vendre. C'est parce qu'Amazon, c'est livres électroniques, musique, vidéo, films. Donc, ils vont faire plus d'argent là-dessus. C'est pour ça qu'ils vendent ça à 200 $ pour changer le modèle d'affaires des tablettes. Le service de reconnaissance musicale Shazam redevient gratuit sur iPhone et autres avec une version proposant des tags illimités et affichant de la publicité. Quelle bonne idée. Gratuite au départ, puis payante, puis à nouveau gratuite. L'application de reconnaissance musicale Shazam ne sait visiblement pas trop sur quel pied danser, dit l'article de Clubic.com. Reste qu'elle redevient accessible de façon illimitée et sans payer sur iPhone, iPad et autres, iPod Touch. Les utilisateurs ayant acheté la version payante, qui s'appelle Shazam Encore, sont de leur côté exemptés de réclames, donc pas de pub. Ils bénéficient de Lyric Play, qui permet de visualiser les paroles de chansons lors de la lecture. Donc, si vous avez acheté, aussi bien dire que vous avez gaspillé votre argent parce que de la pub, ça change absolument rien. Puis des paroles sur des chansons sur Shazam, trouvez-les ailleurs. Mais bon, des petits avantages comme ça minuscules pour les gens qui ont payé pour. La célèbre encyclopédie collaborative Wikipédia vient de lancer officiellement son service de génération de code QR. C'est qrpedia.org. C'est des petits codes qu'on voit sur les posters depuis quelques temps, les petits carrés là, que tu peux scanner ton téléphone. Bon. Comment ça s'appelle ça? Des codes QR. OK. Ouais. Donc, l'objectif annoncé est de transformer l'expérience des utilisateurs mobiles dans les lieux culturels comme les musées, et à ces derniers pouvant alors connecter les œuvres qu'ils exposent aux articles en ligne sur Wikipédia, donc sur qrpedia.org, qui permet de créer un code barre 2D à partir d'une adresse correspondant à un article disponible sur Wikipédia. Ces codes apposés à côté des œuvres peuvent être scannés par les mobinodes. Ça, c'est des gens qui utilisent Internet sur leur téléphone. C'est là, ouais, c'est l'office de langue française. Hein. Donc, voilà, qrpedia.org. Sautons par-dessus quelques trucs pour accueillir Nicolas Duchamp très bientôt avec sa clinique de sport. Créé en 1991 par Improbable Research, l'Ig Nobel est un prix qui souligne le caractère pour le moins inutile et ou incongru d'une recherche ou d'une découverte. Cette année encore, les sujets d'études ne manquent pas d'originalité ou d'humour, même si c'était pas nécessairement le but recherché au départ par ces gens-là. Donc, quelques meilleures avancées récentes de la science saluées lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 29 septembre dernier. Allons-y en rafale. En physiologie, il n'y a aucune preuve de la contagion des bâillements chez les tortues charbonnières à pattes rouges. Aucun lien. Oh. En chimie, une alarme à jet de wasabi est la meilleure façon de réveiller une personne totalement endormie lors d'un incendie. Eh ben, en psychologie, pourquoi poussons-nous des soupirs au quotidien? En médecine, se retenir d'uriner peut affecter nos décisions. En physique, pourquoi les lanceurs de disques sont pris de vertige mais pas les lanceurs de marteaux? Et en biologie, analyse de la tentative d'accouplement entre un scarabée et une petite bouteille de bière. Voilà. Fait consulter la liste des prix remis depuis 91 sur assemblagerequis.com. Sur Google Maps maintenant, Google Maps embarque depuis quelques jours une nouvelle fonctionnalité, la possibilité de suivre un itinéraire établi avec une vue de haut à la façon d'un hélicoptère sans quitter votre navigateur Internet. Uh-huh. Le but de cette nouvelle fonctionnalité qui exploite le plugin Google Earth est de permettre de prévisualiser un itinéraire et de naviguer à travers celui-ci en 3D. Eh bien, pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il faut, comme on le disait, installer le plugin Google Earth puis se rendre dans Google Maps pour planifier un itinéraire. Une fois ces démarches effectuées, un bouton 3D apparaîtra au-dessus de l'itinéraire conseillé. Il suffira alors de cliquer dessus pour mettre l'hélicoptère virtuel en route et visualiser le trajet en 3D et faire des bulletins météo à TVA. Hein? Non? C'est pas ça qu'ils font? Je pense que c'est ça. Allons-y avec une dernière nouvelle. Tiens, Kevin Tancheron aura finalement sa chance en tant que réalisateur au grand écran. Donc, après avoir produit la série d'épisodes Mortal Kombat Legacy sur Internet, je sais pas si t'avais vu un petit non, peu. Non, j'ai pas vu. Vraiment très bien ça, ouais. Mortal Kombat Legacy. Donc, New Line Cinema a mis sous contrat Tancheron afin qu'il produise un film basé sur la franchise Mortal Kombat. Le nouveau jeu et les épisodes web, et je cite, nous ont convaincus de considérer un nouveau départ d'une marque à laquelle nous n'avions pas vraiment pensé, ce qu'a déclaré le président de New Line Cinema. Même si c'est d'une bonne nouvelle, il n'est pas sûr à 100% que le film verra le jour, dit l'article. En effet, si Warner Brothers, qui détient les droits de la série Mortal Kombat, se montre aussi fermé à l'endroit de Tancheron et de New Line Cinema qu'il avait été avec le réalisateur Lawrence Kasdanoff concernant un film de Mortal Kombat, il se pourrait que le projet avorte. Quoi qu'il en soit, Tancheron a déclaré que son film Mortal Kombat adoptera une vision plus réaliste des personnages de la franchise que les deux autres films ayant été produits. L'article dit « En espérant tout de même qu'il y aura davantage de combats et moins de scènes narratives que dans les épisodes de Mortal Kombat Legacy. » Donc, sur la série web, il y avait plus de textes. Les gens parlaient beaucoup. Ça, ça se trouvait où, ça? Je cherche le mot Mortal Kombat Legacy. Je pourrais pas dire sur quel site c'était, mais j'avais vu un épisode complet. Évidemment, c'est pas mon genre de chose, donc j'en ai regardé juste un. Là. Mais j'aimais bien. Mais c'était bien fait. C'est ça, voilà. C'est tout pour la chronique CNX. Tiens, François, c'est tout. Merci, Mathieu. On va en pub et puis on revient avec Nicolas Ducharme. Nicolas Ducharme, et nous, on parle de sport. Oui, quel sport? N'importe lequel. N'importe lequel. OK. Baseball. Ah, oh, ouais. Toutes les affaires avec des balles. Toutes. Des balles, non, des balles, des poches. Mais les poches, c'est un sport. Ah, les poches, les lancer des poches. Par en dessous. Par en dessous. C'est le poignet. Par en dessous. C'est fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. 8h36, assemblage requis, il nous reste 25 minutes à François-Olivier Marchand et moi. Mathieu Plante. Et Nicolas Ducharme, qu'on accueille avec sa chronique Sport, la conduite de partie. Nounou! Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. La conduite de partie. Bonjour, Nicolas. Bonjour, bonjour. Bon matin, messieurs. Ça va bien? Oui, vous? Yes, sir. Mm-hmm. Belle fin de semaine? Ouais. Il faisait frette. Il fait frette encore. Fait frette, hein? C'est pas fini. Ben, ça commence. Habituez-vous. Il me semble qu'un matin, là, dans la salle de bain, il y avait frette un peu partout. Là, tortue t'sais? Un peu, ouais. Ben, tu sais, le matin, tu te lèves, t'es comme pas prêt à faire face à la température, puis là, tu te fais attaquer par un froid glacial comme ça sur les tuiles de la salle de bain, là. Pourquoi les tuiles, c'est la salle de bain? C'est ça, c'est froid, ça. La céramique, c'est froid. Ouais, j'ai pas montré que du prélor dans une place où il fait humide, c'est probablement pas l'idéal. Non, c'est ça. Est-ce qu'il paraît qu'il fait beau en Alberta? Ben écoute, il m'a déménagé. C'est ça. Hey, donc, oui, on aimerait ça. Ah non, pas un autre chroniqueur par téléphone. Ah ouais. Bon. Ben, moi, j'ai eu une émission qui reposait à 50% là-dessus pendant 3 ans. Hein? Bon, moi, ça me dérange pas, ça allait bien, nous, on avait du talent. C'est dur de se... Mais. Oh, ben, Colin! C'est dur de se donner des signaux par téléphone. Ouais, ben, c'est pour ça qu'il faut que tu sois. Bon. Faut être rapide sur la gâchette dans ce temps-là. Il y a des signaux qui se comprennent mieux que d'autres. Ah, ouais. Le langage des signes. Le langage des signes. Vulgarité. Hey, il nous a écœuré. On peut bien. J'ai rien écœuré, moi. J'ai dit ce que moi je faisais. J'ai pas dit si vous, ça c'est juste la réalité. La vérité fait mal. Hein? Oh! Monsieur Business, son professionnel, ben, téléphone qui sonne, on va cas, répondre. Attends, nous autres, à date, ils n'ont pas sonné en nom, nos téléphones à l'assemblage. Si tu veux, c'est on ça, est professionnel. C'est ça, un journaliste qui ne cesse de travailler jour après jour. Allez, gars, je vais commencer tout de suite parce que c'est quand même une grosse chronique ce matin. Je vous fais mes prédictions pour la saison de la Ligue nationale de hockey. Qui va débuter sous peu. Ça débute le 6 en Europe. Là, on a décidé encore une fois cette année de jouer deux matchs en Europe. Mais avant, quelques petites nouvelles locales de sport dans cette fin de semaine. Mm-hmm. Hier, victoire du Coron Aigué 7-3 contre le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. C'est le nom de l'équipe, ça. C'est le nom de l'équipe. Oh, cool FM. Dans la Ligue nord-américaine de hockey, je pense qu'il y a un club qui n'a pas un nom de son commanditaire. Donc, un nom commandité, exactement. C'est le nom de deux équipes, devrais-je dire, c'est-à-dire le Marquis du Saguenay, le Wild de Windsor, parce que Wild et Windsor... ceux qui ont c'est bizarre. Windsor. Donc, 4 points là-dessus, Marc Bocage, hier, dans cette victoire. Quand on est gay, justement, il n'y a pas une controverse au niveau de la commandite qui était post-posée. Ouais, ben, cet été, là... Ça s'est réglé. Ça s'est réglé, mais on n'était pas sûr au début, c'est du côté du Coron Aigué, si on allait être de retour dans l'aventure. Finalement, on l'a été. C'est bien plus amateur, très plus bien. Mais ouais, c'est positif. Il y a beaucoup de monde qui assiste. Non, ou? Mais là, c'est les matchs pré-saison. J'ai hâte de voir ce qui va se dérouler durant la saison. Mais c'est les matchs pré-saison, on verra. Écoute, club de la Ligue nord-américaine de hockey a besoin d'environ 1500 personnes pour être rentable. Et je peux dire que l'an dernier, il n'y avait pas 1500 personnes en moyenne par match. Donc, On va voir cette année ce que ça va donner, si les efforts marketing, nouvel entraîneur, nouveau personnel derrière, dans les bureaux, ce que ça va donner là, au nouveau marketing là-dessus. Allez, je continue, messieurs. On s'en vient ici avec les Patriotes. Cette fin de semaine, on disputait deux matchs du côté des filles. On jouait vendredi. C'était la Happening Patriotes. Je suis venu faire mon tour. Il y avait à peu près 20 personnes, alors c'était pas fameux. Ah, pas vrai. À la défense, il ventait beaucoup. C'était froid, donc c'est pas toujours facile. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens, selon ce que j'ai pu voir. Donc, les matchs, victoire 3-0 de l'UQTA, les filles, l'UQTA, victoire 3-0 vendredi, victoire, nul plutôt hier contre Concordia 1-1, un peu décevant comme nul parce qu'on l'avait emporté contre la troisième meilleure équipe du circuit vendredi, mais Concordia qui sont sixième, on fait nul, donc on se retrouve aux quatrième position, mais on a... Faut dire qu'on a perdu deux points, on serait troisième ce matin si on, ça n'aurait pas été de ce petit faux pas. Chez les hommes, écoutez les hommes, je vous disais la semaine passée, très mauvais début de saison, on n'avait aucune victoire, seulement deux points. Eh bien, fin de semaine parfaite là, pour les hommes, victoire de 3-1 contre les Redmond de McGill et victoire de 2-0 contre les Piquets de Concordia. Les Piquets. Les Stingers. Donc, après cette fin de semaine, tu comprends la blague? Bien juste, oui. C'est bon. C'était pas Piquet des Verts. C'était pas Piquet. Oh. Hein, tu m'ouvres la OK, je fais une joke avec Gaip, mais j'ai pas eu le temps de l'inventer. Alors, quatrième position au classement du côté des Pats masculins. Diablos défaite hier 10-1 contre le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu 10-1, un score de football canadien impossible au football américain, bien sûr. Et les Pats hockey, trois matchs cette fin de semaine. Jeudi, défaite de 4-0 contre le UNB, les Varsity Reds, champions national en titre, champions nationaux en titre, devrais-je dire. Vendredi, défaite contre Saint Mary's 7-3 et samedi, victoire de 4-3 contre Saint Thomas. Et on tombe dans le hockey Ligue nationale de hockey. Oui. Le hockey de la Ligue nationale. C'est là que ça se passe. En effet, le hockey de la Ligue nationale, devrais-je dire. Alors, vous l'avez vu, Canadien, ça s'est terminé en fin de semaine contre belle victoire. C'est une bonne note. Ouais. Ouais, c'est une bonne note. Il était temps parce qu'à date, là, l'orchestre, c'était moyen un peu. On est content de voir que le maestro est arrivé, que tout le monde est au diapason et qu'on espère que le club va fonctionner comme un métronome. Sérieux, les métaphores musicales ce matin, je me dépasse. Bravo. Et puis là, en fait, ils sont partis en retraite fermée. Là, on est partis en retraite fermée. Bénéfique? Ben oui, c'est correct. On fait du team bonding, comme on appelle. Quand même, c'est relativement la même équipe que l'an dernier pour ce qui va rester des joueurs. Mais bon, on cimente la chimie. Dans les autres équipes, en fait, de la Ligue, ça se retrouve ou... Tu m'en poses une bonne. Écoute, je crois que oui. Être un entraîneur, c'est quelque chose qui vaut la peine. Du côté du Canadien, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un peu plus d'argent. On a les moyens de se louer... Quelque chose un peu à l'écart. On a les moyens de se louer Mont-Tremblant au grand complet. Puis, je sais plus son où exactement, si c'est dans Charlevoix. Non, ils sont en Ontario. Ah, ils sont en Ontario? Oui, ils sont en Ontario. Il fut quelques années, tout le monde est allé au chalet de George Gillette au Colorado. Donc, c'est quelque chose qui est bien à faire pour une équipe, pour bâtir la chimie dans l'équipe. Regardez Scott Gomez, là, qui à date joue très bien cette année. C'est des endroits où on peut s'asseoir, on peut discuter, peut-être des fois se parler un petit peu dans le blanc des yeux, mettre des points sur les i, les barres sur les t avant le début de la saison. Et bon... Côté du Canadien, on va voir ce que ça va donner là, cette année. Là. Ça commence le 9, si je ne me trompe pas, contre les Jets de Winnipeg. Tu me regardes avec ça? À Winnipeg. je crois, ah ouais, Mathieu, tu sais pas? Je suis relativement sûr, mais j'ai pas l'horaire devant moi. Donc, mes excuses à vous, messieurs, mesdames, si je me trompe. De toute façon, trouvez votre calendrier de Ligue nationale. Il devrait avoir toutes les réponses là-dedans. Je vais avec mes prédictions. Vas-y. To the go. Pardon, pas de temps. De voir. Je vais avec l'Ouest, parce que ça nous concerne un petit peu moins l'Ouest. Donc, je vais rapidement avec l'Ouest. Ensuite, on verra pour l'Est, vu que c'est proche de nos pénates. Oui. Alors, dans l'Ouest, la prédiction, je pense que ça va être la même chose que l'an dernier. Les Canucks de Vancouver, hein, finalistes de la coupe cette année, l'an dernier. Avec les frères Sedin. Avec les frères Sedin, on a une bonne équipe. Roberto Luongo dans les filets. On a vraiment on est une des puissances nationales. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'on joue... dans la division la plus faible de la Ligue nationale. Donc, l'an dernier, les Canucks avaient été les seuls de cette division-là à participer aux séries éliminatoires. Ça devrait être relativement la même chose cette année. Je doute fortement que Calgary ou Minnesota réussissent à participer au tournoi printanier. Donc, dans ce cas-là, attendez-vous à ce qu'ils terminent premier. Quand plus les affrontements sont faibles, plus les adversaires sont faibles, plus les résultats sont bons habituellement. Deuxième position, j'ai hésité beaucoup. San Jose, Los Angeles, ça va se battre énormément. Deux puissances ligues nationales, n'est-ce pas, Mathieu? Ben oui. Totalement. J'essaie de faire un jeu de moi avec Cédine dans ce temps-là dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi je te regarde quand je parle de sport. Où est-ce que tu as pris tes informations? Ben, tu me réponds avec un accent italien. Cédine feuille de thé. Cédine feuille de thé. Hein? Non, Cédine? Ça date de là deux minutes quand tu as dit. Ok. Une feuille de thé, la chronique précédemment avec M. Anto Orr. Anto Orr, le frère de Bobby Orr. Ah oui? Les deux, ça ressemble. Pareil. Pareil. Donc, je reste avec San Jose. Je crois encore que du côté de San Jose, c'est la même grosse équipe que d'habitude. Danny Hitley en moins, Martin Havlat en plus. Reste à voir en série. Je continue à croire que San Jose, c'est une équipe de Joker. Donc, le Grand Prix, pas pour San Jose cette année, mais deuxième au classement. Troisième, j'ai encore hésité fortement. Les Red Wings de Détroit, j'y étais avec eux. Lidstrom, Zetterberg, Datsyuk. On a Mike Babcock, on a Johan Franzen, on a vraiment une équipe qui est très puissante, mais c'est surtout un système de jeu que tout le monde achète, une éthique de travail qui s'achète pas, qui se développe année après année. C'est pour ça que j'ai été avec les Red Wings en troisième position. Quatrième, les Kings de Los Angeles. T'ajoutes Mike Richards, puis tout ce que ça te coûte sur ton line-up normal, c'est-à-dire ton line-up usuel, c'est Wayne Simmonds. Donc, pas une grosse perte. Je m'attends fortement à ce qu'ils viennent chauffer les Sharks de San Jose. Je ne vais pas étonner s'ils terminent deuxième. On a signé Drew Doughty à 56 millions pour 8 ans. Donc, mon salaire exactement. Félicitations à Drew. ils vont chauffer énormément à San Jose. Attendez-vous à des bonnes choses du côté des Kings. Écoutez, je vous donne le line-up des Kings en gros. Là. Dustin Penner, Zeke Petard, Dustin Brown, Simon Gagné, Mike Richard, Justin Williams, Jarrett Stoll, Doughty, Jack Johnson, entre autres. Ils se sont payés une équipe. Scooby-Doo là-dedans. On a terminé très loin dans les classements. Des Drew Doughty, tu repères chaud au deuxième rang. Regardez ce que ça donne. Faut que tu tombes dans le fond de la cave pour remonter. C'est ce que le Canadien n'a pas fait pendant beaucoup d'années. Ce que Pittsburgh a fait. Ce que Pittsburgh a fait. Là, toutes les petites filles et les petits gars qui trippent Sidney Crosby. Puis Pittsburgh, présentement, là, dites-vous une chose. Pas avoir avant fini, ça, là, c'était pas fort. Pas avoir fini dans la cave du classement pendant à peu près 12 ans, ça n'aurait pas été ce genre de résultat. Chicago, 5e. Écoutez, on va se remettre du lendemain de veille la coupe Stanley à un moment donné. L'an dernier, on avait terminé 8e. Ça avait été une année de misère. Cette année, bon, ça y est, on va remonter. On a caché les petites bébites en dessous du tapis. Puis je pense qu'on va avoir une bonne saison du côté de Chicago. On va venir chauffer les Red Wings. Ils pourraient aussi terminer 3e. Mais cette équipe-là a trop de talent pour finir plus bas que 5e. Ça devient plus corsé ensuite du côté de l'Ouest. J'y étais avec Nashville. C'est une bonne équipe. Shane Weber, Mike Pecorine, ceux qui connaissent le hockey savent que ça va dépendre de eux, des succès de l'équipe. S'il y en a un des deux qui tombe, attendez-vous à ce qu'on termine plus bas du côté de Nashville. Mais Barry Trotz, année après année, fait des merveilles avec cette équipe-là. Barry, là, qui est là depuis des années. Barry Trotz qui ressemble un peu à la première bibitte qu'on rencontre dans Mario Bros 1 aussi. Hey! Vous regarderez. Attends un peu. Vous regarderez si vous. Sur les internets. Barry Trotz, c'est très. Avec un. Un Goomba, c'est ça. Brun. Une petite bibitte brune qui avance. Bon, parfait. Regardez les comparaisons, ça se ressemble énormément. C'est ça qu'il faut que tu fasses dans ta chronique pour m'intéresser. Je fais mon possible, Mathieu. Je te fais des liens. Je l'apprécie. J'ai été à Anaheim en 7e position. Corey Perry, Ryan Getzlaff, Bobby Ryan. T'es mieux cette année. Koivu, c'est un top 5 extrêmement solide à l'attaque. C'est en défensive que ça laisse à désirer. Ça va reposer sur les épaules de Jonas Eller pour toute la saison. Le gardien suisse qui, contrairement à son fromage, n'est pas rempli de trous. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je m'attends à ce que 7e du côté d'Anaheim vont chauffer. Comme je disais, 6-7-8 du côté de l'Ouest, c'est très serré. Finalement, Saint-Louis, c'est une équipe très jeune. C'est pour ça que je les ai mis pas plus en avant que ça. Beaucoup, beaucoup de talent. Les Perron, Pietrangelo, Jackman, ça peut surprendre. C'est une bonne équipe, sans compter les Andy McDonald de ce monde et autres joueurs qu'on peut retrouver du côté de Saint-Louis, les David Backus, les Stewart, T.J. Oshie, Patrick Berglund. C'est une équipe extrêmement jeune. On a Yaroslav Halak dans les filets pour sauver ça. Pourrait surprendre les Blues. Il y a des gens qui les sous-estiment énormément. Et bon, les équipes qui n'auront pas le plaisir de participer à la danse printanière, Minnesota, Calgary, Phoenix, Columbus, Colorado, Edmonton et les Stars de Dallas sur le bord de la faillite. Ça va pas bien à Dallas. On est loin des années de Mike Modano. Très, très loin. Je pense qu'on va avoir besoin de quelques saisons pour remonter la pente. On n'a plus Brad Richards non plus. Il nous reste Mike Ribeiro et... c'est tout ce qui est dans l'air. Brandon Morrow, et c'est pas mal les deux choses. Carey Lehtonen dans les filets, c'est pas mal ça. Ça vient plus proche, les gars, on passe dans l'Est. Là. Bien sûr. Je vais rapidement parce que je veux qu'on s'attarde un petit peu sur le Canadien. Donc, première position, gagneront pas la Coupe cette année, mais bon, ils ont une bonne équipe encore une fois cette année. Les Capitals de Washington, à l'image un petit peu des Canucks de Vancouver, c'est une division qui est faible. On a une puissance offensive. J'ai-tu besoin de les nommer? Les Semin, les Backstrom, Alex Ovechkin, Green aussi en défensive. On a enfin un gardien en Tomáš Vokoun. Donc, on devrait être très performant cette année. Deuxième position, Philadelphie. On a enfin un gardien en... Mathieu? Hein? Il y a Brice Galoff, bien sûr. Bien dit, Mathieu. Oui, Galoff. Tu grèves. Donc, il y a Brice Galoff qui va enfin venir donner. On a une profondeur gigantesque du côté de Philadelphie. Les Claude Giroux, Daniel Briard, James Van Riemsdyk, Jakub Voracek, Jagr, Pronger, Timonen, Carl. Ouais, Jagr qui est revenu. Jagr qui est revenu. Je m'attends pas à grand-chose de bon. J'ai mais l'impression bon. Que tu lis l'annuaire du Canada. Ben, c'est un peu ça. Écoute... pour toi, là. Ouais, non, mais on va avoir une très grosse formation. On a une profondeur. On a probablement la meilleure profondeur de la Ligue nationale du côté de Philadelphie. On n'a plus Mike Richards, on n'a plus Jeff Carter, mais semble-t-il que ces gars-là étaient aussi talentueux sur la glace que dans les bars et pour faire aller leur yacht. Donc, ouais, ça sera peut-être pas une très grosse perte. Ouais. On a splitté les deux gars. Et regardez, si Paul Holmgren s'est permis de faire cet échange-là, c'est qu'il y avait des problèmes à l'arrière de tout ça qui forçaient l'équipe à bouger là-dessus. On ne sait pas tout le temps ce qui se passe, mais... Ouais, oh ben non, regardez, si on savait tout, ça serait moins drôle. Je pense qu'il y a des choses qui doivent rester dans une chambre de hockey, c'est mieux comme ça. Et ça, c'est un journaliste qui dit ça, donc moi, c'est ma job d'aller les chercher normalement. Hey, Boston, troisième, les champions de la Coupe Stanley finiront pas premier. Pourquoi? Ben, on joue dans une très bonne division. Montréal, Buffalo vont être très dangereux cette année. Mais Boston va être quand même fort cette année. Ben écoutez, je les ai placés là. Je serais pas étonné qu'ils terminent plus bas. Tout va dépendre de Tim Thomas. J'ai hâte de voir aussi l'évolution que va connaître Tyler Seguin. On n'a plus Mark Recchi. On est côté leadership, ça devrait paraître un petit peu, pas nécessairement côté talent. Là. Il est aisément remplaçable, là. Mais côté leadership. Recchi a pris sa retraite. Exactement, bonne retraite. Mon vieux Mark à 42 ans, plein de cicatrices. L'ancien Iron Man de la Ligue nationale va pouvoir aller se prélasser sur le bord de son lac. Pittsburgh, quatrième, Crosby ou pas, ça reste une bonne équipe. Evgeny Malkin devrait revenir en force cette année. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais, je sais que... Mais Crosby va revenir. Éventuellement. La question, c'est est-ce qu'il va être le même joueur? C'est vraiment ça, la question. Se faire taper à la tête comme ça, c'est pas donné à tout le monde de revenir sur le... Il y a des joueurs qui sont jamais revenus à 100%. J'ai hâte de voir. Je souhaite la meilleure des chances. Mais bon, il n'y a rien d'assuré là, dans la vie, dans son retour. Cinquième, les voici, les voilà. Le Canadien de Montréal. Certains me diront que je suis positif, je suis optimiste, mais... Et que tu les aimes bien. Non. Je crois sérieusement qu'on a une très bonne équipe du côté du Canadien. Si on peut éviter les blessures, si Price connaît une bonne saison, si Scott Gomez... Ben, c'est ça, Markov. Si Scott Gomez décide de jouer légèrement mieux que la saison dernière, ce qui n'est pas vraiment difficile... Je pense qu'il y a eu son wake-up call pendant l'été. Il s'est peut-être regardé dans le miroir et il a fait « Oh boy, OK, on va essayer d'arriver un petit peu plus préparé pour cette saison-là, un petit peu plus mindé. » Et à date, en pré-saison, en match hors saison, on a vu que ça allait ça, bien. Ouais, ça augure bien là, du côté de Scott Gomez. Même, je dis, si tout est positif, soyez pas étonnés. Ils vont chauffer les Bruins de Boston. Je serais pas étonné du Canadien si on finirait en troisième position. Le système de Jacques Martin a fait ses preuves. Les jeunes vont progresser. Lars Eller, Max Pacioretty surtout, devrait jouer un rôle important cette année. Piqué Subban, j'ai-tu besoin d'en parler? Non. Piqué. Mais si ça brasse un peu? Ben là, on a été chercher Rick Cole. C'est pas un batailleur. C'est un gars, par contre, qui amène une dimension du côté du Canadien qu'on n'avait absolument pas, c'est-à-dire le fameux power forward qu'on attend à Montréal depuis les belles années de Mike Keane. C'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Je vais regarder voir ce que Subban peut faire cette année. On va espérer qu'il soit pas victime de la gang de la deuxième année. Donc on verra bien. Sixième position, Tampa Bay, le système Boucher aussi. Stamkos, St. Louis, c'est dangereux. Tout va dépendre de Dwayne Rolason. Est-il trop vieux pour fournir les résultats nécessaires? Peut-être, on verra bien. Septième, Buffalo, bonne équipe, beaucoup d'acquisitions. Terrence Pegula a défait les cordons de la bourse. Ça va payer, mais ça va prendre un petit peu de temps pour mettre tout en œuvre. Ça va leur coûter probablement une cinquième position au classement. Huitième, je vais à New Jersey. On a vu ce qu'ils ont pu faire cette année. Ils vont sûrement mieux commencer que l'an dernier avec John McLean. Attendez-vous à ce qu'ils fassent les séries devant, dans l'ordre, les Rangers, les Islanders, la Caroline, Toronto, les Jets de Winnipeg. Que du côté les Jets. que du côté de Ligue nationale, on n'est pas assez bright pour les envoyer tout de suite dans l'Ouest. On les fait passer une journée dans l'Est. Ça va faire une année dans l'Est. Ça va faire mal sur le classement. La Floride et finalement les minables sénateurs d'Ottawa devraient terminer en 15e position. Bonne chance, Daniel Alfredson. Tu vas finir tes années sans Coupe Stanley. Ouais, c'est fini. À moins qu'il se fasse échanger, ce qui est une possibilité, mais que ça reste le visage des sénateurs depuis le départ d'Alexis Yashin et bien sûr Alexandre Daigle. Alexandre Daigle. Hein, ouais, qu'est-ce qu'il fait, lui? Comme dirait Matt, fail du côté d'Alexandre. Oh, ben écoute, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le cœur et d'avoir le cœur d'un Steve Bégin, d'avoir le cœur de plusieurs joueurs de Ligue nationale. Il avait juste une gueule, lui, tu sais. Il paraissait bien. Puis ah, ben non, mais il avait du talent, Alexandre Daigle. Mais... Ben, il avait du talent, mais dans la Ligue, il s'est rien passé. Là. Alexandre Daigle était bon quand il fallait pas qu'il fournisse d'efforts. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le junior, il dominait parce qu'il avait pas à fournir tant d'efforts. Donc, c'est pour ça c'était pareil dans la Ligue nationale quand il y a eu de l'effort à faire. Il n'y en a pas eu. Donc, c'était mes prédictions là, pour cette année dans la Ligue nationale. Ça commence super. Amusez-vous tout le monde. Bière, NHL Center Ice. Faites-vous plaisir à 58$ par mois à peu près. J'estime. Je pense que c'est 4 versements. 4 versements, une chance. Un peu comme une machine à coudre là, que tu achètes à la boutique télévisée. OK. Ah, la boutique TVA. Ouais, boutique TVA, si tu veux la plugger. Ouais, c'est ça. Non, ben moi, tu sais que plugger TVA est ma job, finalement. C'est ça? Non. Il est là pour ça. C'est pas pour ça. Il est envoyé. C'est un envoyé spécial, undercover. Ça fait 8 ans que je fais juste. Tu sais, j'anime assez fou, mais c'était en prévision de plugger le plus possible TVA. Ben moi, c'est mon employeur, hein. Fait que. Ben ça, je dis. Pauvre toi. Ben non. Pas vrai. Bon, fait qu'on a pas le temps d'aborder rien d'autre, les gars. Vous, je sais que vous vouliez aborder quelque chose. On était parti jusqu'à 9h30. Ouais, c'est ça. Tu voulais parler de quoi? Ben, non, on n'a pas le temps. Mathieu Plante, OK. On a le nom du boss. Le boss ne veut pas. C'est correct, non, c'est fini. OK. Donc, Nicolas Ducharme, collègue de sport, l'écoute de partie. On te retrouve lundi prochain à 8h30. Ouais, non, pas lundi prochain. Non, pas lundi prochain. Lundi prochain, il n'y en a pas. Puis l'autre d'après, écoute, arrive à 7h30. Ouais. C'est ça. Si tu veux venir mardi prochain à 7h30 ou 7h45, vous allez vous battre pour un spot. C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui, tout le monde. On remercie Nicolas Ducharme. On remercie Xavier, évidemment. Merci beaucoup. C'était très bon. Oui, excellent. Je le mange encore, d'ailleurs. Je l'étends. Kiwan, en direct de l'Alberta, on le remercie aussi. On remercie l'équipe du journal Zone Campus. Merci à toi, François-Olivier Marchand. Merci, Mathieu Plante. Oui, restez à l'écoute pour la toute nouvelle émission Melon Miel, les Choux de Bruxelles, l'émission culturelle et musicale qui commence à 9h. Puis à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Et en après-midi, je serai de retour en rediffusion avec les Palmarès, c'est fou. Et plus tard en journée, le boudoir à 16h et le con, le prog et le planant à 17h. Demain matin à l'émission, on aura la collègue de Sébastien Dulude, Va voir ailleurs, j'y suis, un éditorial culturel. Et la collègue Ton plat favori de Stéphanie Gagné. On se quitte avec la musique de Galaxy et la pièce Piste 1 sur Tigre et Diesel. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye. À demain.